Nous continuons notre petit podcast sur les auteurs préférés des Renégats. On a fait Reich juste avant. Maintenant, on va passer sur Bruno Astarian. Il a participé au groupe Négation, qui était un groupe communiste post-situe qui traînait autour de la première version de la librairie La Vieille Taupe. Peut-être même qu'il a flirté avec Cousin, mais on sait pas. Un groupe de critiques communistes. Il était pas mal en contact avec ICO, Information Correspondance Ouvrière, et qui avait un peu la même mentalité, à savoir que il n'y avait pas trop à faire d'intervention vis-à-vis du prolétariat, qu'il y avait juste à expliquer en fait le processus de communisation, le processus de la crise, mais que finalement l'intervention servait un petit peu à rien. Pour ICO, il me semble qu'ils disent carrément que c'est même contre-révolutionnaire. Ça contrarie la spontanéité du prolétariat. Ils ont également écrit une revue qui s'appelait Le Voyou. Donc tout ça, c'est retrouvable sur le site Archive Autonomie, fragment de l'extrême gauche radicale, un truc comme ça. Astarian a également écrit des textes sous pseudonyme La Presse et le Capital, où il montre en fait en quoi toute la presse, tous les médias sont complètement interconnectés au capital. Rien de nouveau sous le soleil. Ça fait quand même un bon petit moment qu'il paraît qu'il est très très malade. On s'attend pas trop à ce que son cas s'améliore. C'est pour ça que du coup son dernier article date de 2022, ce qui est fort dommage. Enfin, on va en parler plus tard, mais les derniers articles étaient justement un peu l'actualisation de toutes les conclusions qu'il avait synthétisées au sujet de sa théorie du capital et sa théorie du prolétariat et de son activité de crise. Il se décrit comme faisant partie du mouvement de la communisation. Alors au début, on pensait que, comme plein de gens, pensaient que c'était un mouvement spécifique de gens qui s'appelaient communisateurs. Mais en fait, non. Dans la bouche de Astarian, le courant de la communisation, c'est juste en gros pour pas dire communiste, parce que communiste, c'est trop connoté. Lénine, extrême gauche, programme prolétarien, le communisme à l'ancienne. Alors que le courant de la communisation, c'est juste, en gros, un truc un peu moins militant et qui peut être un peu daté de tout ce qui est né depuis, je sais pas, SOB, Socialisme ou Barbarie. Toutes les théories révolutionnaires qui viennent après la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et donc ça va de trucs néo-bordiguistes à des trucs situationnistes, post-situationnistes... qui vont reprendre Marx, mais en critiquant les limites de Marx, en critiquant l'État russe, l'URSS, comme un régime capitaliste d'État. Donc ça veut dire que pour lui, la communisation, ça peut tout à fait inclure aussi guerre de classe et la critique de la valeur. Les autres membres de la communisation sont... Enfin, lui, de ce qu'il évoque, c'est les autres critiques de la valeur, quoi. Alors, je crois pas les vieux critiques de la valeur, mais le mec un peu récent, et puis il va nous citer dans l'abolition de la valeur, là, des mecs qui sont dans la critique de la valeur. Il parle de Saint-Matisse, je crois, un mec comme... Il y a Léon de Matisse, et c'est pas le pire. Mais Poston. C'est surtout Poston, en fait, avec son gros pavé temps, travail et domination sociale. Et critique de la valeur, il y a aussi Robert Kurtz, ancien Jap, bon, qui sont pas forcément des amis d'Astarian. Mais qui font partie de la communisation, enfin, c'est des mecs d'état de la... Kamat peut être décrit comme faisant partie de la communisation, même si, il nie quelque part qu'il puisse y avoir une communisation un jour ou l'autre. Donc ouais, ce que je dis, c'est que communisation, c'est tous les communistes hétérodoxes, quoi. Enfin, qui sortent de l'orthodoxie... Donc on voit qu'Astarian, de par son parcours, un peu le produit des mouvances théoriques qui sont apparues au cours des années 70, après les grands mouvements sociaux de ces années-là. En s'inscrivant dans cette filiation, il a pu tirer le bilan de ces luttes, dans la mesure où elles offraient une scission possible par rapport à ce que le mouvement ouvrier avait été jusqu'alors. C'est ce qu'il appelle en fait le programme prolétarien, depuis l'époque de Marx jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Le mouvement ouvrier s'axait autour de l'idée que le futur révolutionnaire s'envisagerait comme une dictature du prolétariat sur la société, et une dictature qui serait une dictature de la classe du travail. Le travail ne serait donc pas aboli dans cette société, mais au contraire, érigé en valeur cardinale, et on aurait juste supprimé la classe capitaliste, il resterait juste le prolétariat en tant que classe du travail. Donc, très clairement, pour Astarian, et puis en fait, quand on lit toute la littérature communiste d'autrefois, on se rend compte que toute cette époque... Tout ce qu'on appelle le programme prolétarien, ça a toujours été ça. Ça a été l'extension de la condition prolétarienne à l'ensemble de la société. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tout le monde devient classe du travail. Même si évidemment, on imaginait le communisme en gros comme quand même une réduction du temps de travail, de meilleures conditions de travail et une rémunération plus juste du travail. Certes, ce serait quelque chose de moins pressurisant, moins aliénant que le travail dominé par le capital, mais ça reste quand même le travail comme mesure, en fait, comme critère en fait, de bonne vie de la société, quoi. C'est ça qui a distingué en effet tout le mouvement ouvrier pendant cette période. Mais à partir des années 60, quelque chose qui a changé radicalement la donne, c'est que la forme même du travail sous la domination capitaliste a évolué, est devenue de plus en plus impersonnelle et déqualifiante, dans le sens où les ouvriers étaient de plus en plus réduits à des rouages de la chaîne de montage, perdaient toute initiative sur le processus de travail. Et dans ce sens, avec l'évolution du capital, il est devenu de plus en plus impossible de penser c'est un sujet révolutionnaire qui s'érigerait en tant que travailleur. Le sujet ne pouvait plus être le travailleur, mais au contraire, négation du travail. Le prolétariat dans la Révolution ne pouvait s'affirmer que comme négation de son être de classe actuelle. Et c'est en tirant le bilan des luttes des années 60, dans laquelle cette nouvelle figure révolutionnaire a émergé, que Astarian a pu bâtir des concepts comme celui d'anti-travail, dont on va parler plus tard. Mais dans un premier temps, on va plutôt examiner ce qu'il a critiqué de Marx, plus particulièrement dans un livre qui s'appelle « L'abolition de la valeur ». J'ai une mise à jour des contradictions de Marx sur cette question de ce que pourrait être une société communiste. De cet examen, il ressort évidemment que Marx était un homme de son temps et que le mouvement ouvrier à son époque étant axé autour de cette affirmation du prolétariat comme classe du travail et comme classe qui ne demandait qu'à prendre les rênes de la société et à mener ses affaires par lui-même. Il ressortait de ce mouvement que Marx a épousé naturellement les vues du mouvement ouvrier de son temps et voyait clairement la société future comme une société très travailliste et productiviste même. Donc dans l'abolition de la valeur, Astarian détaille au premier chapitre toutes ces apories de Marx. Les renseignements qu'on a sur la vision de la société future de Marx sont concentrés dans la critique du programme de Gotha. Quand on sert le texte, on s'aperçoit qu'en fait, que Marx a mené au communisme tel qu'on l'a connu dans les pays bureaucratiques, avec tous ses excès. Quand on lit le critique du programme de Gotha, force est de constater qu'il y a des passerelles. Marx envisageait la société socialiste de transition comme une société d'économie planifiée, où les catégories principales du capital étaient au mieux adoucies, mais sûrement pas abolies. Il n'y a pas d'abolition de la valeur dans cette société qu'envisage Marx. On garde toujours le travail et le surtravail. Pas d'abolition de la valeur avec le regard d'Astarian. Astarian nous permet de voir qu'il n'y a pas d'abolition de la valeur. Pour Marx, il y a une abolition. Mais Marx, en fait, ne parle même pas d'abolition de la valeur. En fait, on sent que par moment, il sous-entend une abolition de la valeur. Mais en fait, du point de vue de Marx, c'est ce que montre Astarian, c'est qu'en fait, ce qu'il entend par abolition de la valeur, c'est uniquement en fait abolition du marché. C'est un marché qui serait anarchique, qui produirait des crises, qui produirait du gaspillage, alors que la planification économique, elle, permettrait de mieux gérer de manière rationnelle l'ensemble de la production humaine. Le problème pour Marx, c'est que les crises du capitalisme, en tout cas un facteur important de crise, c'est le fait que les producteurs n'ont aucune information sur la demande. Et donc il y a une tendance permanente à la surproduction qui éclate en contradiction à plus ou moyen terme. Tandis qu'une économie planifiée permettrait de savoir exactement la quantité de biens qu'on souhaite produire. C'est plus la consommation qui détermine la production, mais la production est déterminée en amont par une concertation entre tous les producteurs à travers un État centralisé qui harmonise et qui, en gros, demande à chacun ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et il en tire une somme de produits, il faut tant de brosses à dents, tant de mandarines. Puis on produit en fonction de ces besoins qui ont été déterminés du coup à l'avance, quoi. C'est que le problème de cette société, déjà, c'est qu'il y a une séparation sociale entre les fonctions de la planification et la société elle-même. Parce que Marx conçoit que cette planification, elle sortirait des travailleurs eux-mêmes qui entreraient en concertation. Mais dans les faits, c'est bien une fonction sociale séparée qui, évidemment, constitue une bureaucratie. Je vois pas de quoi tu parles du tout. Tu vas aller au goulag si tu vois pas de quoi je parle. Mais voilà, je sais pas du coup si on peut affirmer que Marx était partisan d'un état ouvrier. En tout cas, dans la phase de transition telle qu'il a décrit. Après, il y a tout le truc de Marx qui, avant la Commune de Paris, envisageait l'insurrection comme une conquête du pouvoir politique, une conquête de toute l'administration gouvernementale, alors qu'après la Commune de Paris, il va plutôt dire que, en fait, c'est le prolétariat qui doit un peu construire ses propres organisations et que cet appareil bureaucratique doit être zigouillé. Un autre point très important sur lequel on voit que Marx n'envisage pas l'abolition complète des catégories du capital, c'est qu'il envisage que dans cette société de transition, la valeur du travail soit toujours comptabilisée à travers des bons de travail on peut même qui seraient évalués sur le temps de travail. Donc comme il envisage une société de planificateurs, ce sera forcément une société policière. Marx veut conserver aussi la notion de droit, parce que forcément, si on mesure le travail par des bons de travail, des bons en temps de travail, il va falloir aussi un droit qui sanctionne, en fait, la mesure du temps de travail. Et aussi, la mesure pas forcément égale, parce qu'il prévoit que les travailleurs qui ont une capacité de production plus dense, plus intense, soient rémunérés également par rapport à ceux qui produisent moins. Donc en cela, le droit doit toujours être présent pour sanctionner une inégalité. Parce que Marx considérait que le prolétariat, à l'issue de la Révolution, ne pourrait pas être suffisamment mature, en fait, pour se débarrasser de toutes les catégories du capital. Et même débarrasser de toutes ces catégories du capital, Marx lui-même ne se débarrasse pas de toutes les catégories du capital, et on se rend bien compte que la question de la comptabilisation du travail reste présente. Et c'est pour ça que Marx reste attaché au bon de travail, donc comme Proudhon, sauf que à l'inverse de Proudhon, qui lui en fait voudrait des bons de travail qui rémunéreraient à la hauteur de la valeur réelle le fruit du travail. Marx lui dit que non, en fait, Proudhon maintient le marché et qu'il faudrait des bons de travail qui soient gérés dans une planification socialiste, communiste. Et donc forcément, c'est quelque chose de nécessairement policier, parce que comment tu mets en place toute cette comptabilisation, comment tu fais en sorte que les gens... J'ai bossé tout ce que je pouvais bosser, moi. Hein. J'ai bossé tout ce que je voulais. Il faut que j'aille faire la sieste maintenant, parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Comment savoir si quelqu'un a bien fait son temps de travail, est-ce qu'il a pas triché? Il y a cette comptabilité qui va envahir nécessairement la société, dès qu'on pose le principe que la mesure va être le temps de travail. Et donc il y aura la mesure du travail lui-même, mais il y aura aussi la mesure de la valeur des objets qui seront consommés par les prolétaires. Parce que aussi, ce que Marx critique, c'est que la valeur des objets, elle se vérifie sur le marché. Mais le prix des produits n'est jamais tout à fait égal à la valeur, au temps de travail qui est réellement contenu en elle. Pour pallier à ça, dans la société de transition, il y aura aussi une comptabilité qui se voudrait rigoureuse du temps de travail réellement contenu dans tous les objets qui vont être produits par cette société. C'est là que ça va être encore une dépense, une comptabilité administrative monstrueuse pour connaître la quantité de travail contenue dans chaque objet. Parce que Marx se berce un peu d'illusions là-dessus aussi. En gros, il dit on fera une moyenne, en fait. Il se dit que ce sera facile de faire une moyenne. Il dit que c'est comme si c'était spontané, alors qu'en fait, ça n'a rien d'aisé de connaître tout ça, parce que chaque produit est le fruit d'interactions entre de multiples branches, et pour remonter vraiment à la valeur qui est contenue dans l'objet, ça demande vraiment un processus d'investigation très extensif. Et en plus, les entreprises qui produiront plus vite les unes que les autres pour des marchandises semblables n'auront pas d'intérêt à le dire, en fait. Pourront se reposer, en fait, un peu plus. Et donc, un peu l'idylle de communication parfaite et de transparence que déploie Marx ne tient pas compte de la réalité de ce que feraient des êtres humains dans ces conditions-là. C'est la structure qui va changer, mais bon, on aura toujours envie d'en foutre le moins possible, hein, quand même. Hein. Enfin, donc ça s'est constaté dans toutes les sociétés d'économie planifiée, où des tricheries en nombre incalculable sur le temps de travail, sur les objectifs du plan, etc. Et toutes sortes de passe-droits. On parle de l'URSS. Oui, oui, oui. Et on peut même parler de l'Espagne révolutionnaire. La CNT accusait les travailleurs d'être trop défaitistes et pas participer suffisamment à l'effort révolutionnaire, je crois. Et voilà, elle devait la CNT s'est retrouvée à faire les flics pour lutter contre les tendances anti-travail dans les usines dites collectivisées ou autogérées. Le problème, c'est que dès lors que dans ce type de société, Marx envisage qu'il y aura toujours un développement des forces productives. Pour lui, ce serait pour assurer un fonds de subsistance, un fonds de réserve. Déjà un fonds d'assurance en cas de catastrophe, d'aléas naturels quelconques, un fonds d'assurance pour ceux qui ne peuvent pas travailler, puis un fonds pour le développement de nouveaux besoins ou de capacités nouvelles. Dès lors qu'on pose ça, l'impératif du surtravail continue. Dès lors qu'il s'agit de faire travailler plus que nécessaire les individus, la lutte de classe va continuer, les gens vont continuer à rechigner au travail. Il faudra bien sûr des flics pour les faire bien bosser. Quand on dit que la lutte de classe va continuer, c'est parce qu'elle continuera entre les planificateurs et les ouvriers, quoi. Enfin, parce qu'évidemment, il n'y a plus de capitalistes quand même. Planificateurs qui seront une classe qui ne dira pas son nom. Classe bureaucratique, en fait. Ouais. Hein, même si elle peut ne pas forcément prendre la forme de la bureaucratie soviétique telle qu'elle a réellement existé, ce sera quand même une partie de la société qui sera distincte du prolétariat à terme. L'école blanche contre l'école bleue. Donc ça, oui, c'est la contradiction principale dans la vision de la société communiste. Mais ces erreurs de Marx sont faites parce que sur le plan théorique, il y a aussi il se fourvoie dans la manière dont il analyse en fait la naissance de la valeur. Donc on l'a dit que Marx ne conçoit la naissance de la valeur que à partir du marché. Et donc il s'agirait juste d'abolir ce marché pour dire que magiquement que la valeur est abolie. C'est là tout le travail d'Astarian et le mérite, c'est de remonter la source de la valeur et de bien faire comprendre que la valeur naît au-delà de l'échange, elle naît dans le travail et dans la production. Marx est un peu coincé avec cette histoire de valeur. En fait, il nous explique que Marx commence par la valeur de manière un peu étrange dans le Capital, alors que finalement, il ne va pas y revenir tant que ça. À ce qu'il dit, même la structure du premier chapitre est un petit peu alambiquée avec ce fétichisme de la marchandise à la fin qui arrive, on ne sait pas trop pourquoi, notamment sa définition de la valeur est coincée en fait entre deux aspects. D'un côté quand même l'aspect surtravail, enfin la valeur est quand même produite par le surtravail. La valeur est produite par le travail. La valeur est... le surtravail en tant que travail produit de la valeur, mais en l'occurrence il produit de la plus-value dans un mode d'exploitation capitaliste. Ce qui fait naître la valeur, c'est l'exploitation du travail et surtout la production dans un cadre de division du travail, division des fonctions sociales du travail. Ce qui fait que le travail est producteur de marchandises. C'est ça la théorie pour Marx. La valeur vient du travail, c'est le travail qui crée la valeur, et en fait, lorsque ce qu'il appelle fétichisme de la marchandise, c'est le fait qu'en fait, cette valeur prend la forme d'un temps de travail qui s'échange contre d'autres temps de travaux, et ce, sur un marché qui ne repose pas à des besoins humains, mais qui correspond aux besoins du marché lui-même. Et donc, c'est pour ça que ce truc se fait de manière complètement anarchique et irrationnelle, et c'est pour ça que Marx commence à parler de tous ces trucs de fétichisme de la marchandise, de théologie, de trucs un peu mystiques. C'est le fait que les produits du travail s'échangent de manière totalement incohérente dans tous les sens, selon des lois un peu stupides, quoi. Marx est en désaccord là-dessus, dans la mesure où il considère que la valeur du travail se mesure comme dépense de force humaine. Dépense de force humaine qui est complètement abstraite de ses caractéristiques particulières, ou ce qu'il appelle le travail abstrait. Il y a vraiment une aporie dans cette définition, dans la mesure où Marx n'arrive jamais à choisir entre le fait que ce qui fait la valeur, c'est donc cette pure défense de force humaine, qui est donc une dépense de l'acte individuel de production, et d'un autre côté, une mesure qui se fait plutôt au niveau social. Et c'est là qu'il introduit, dans un second temps, le concept de travail socialement nécessaire, qui est une moyenne sociale du temps de travail qui est nécessaire socialement pour produire cette marchandise. Selon les passages du Capital, il insiste plutôt sur ce premier axe, celui de la dépense de force humaine. Dans d'autres passages, il insiste plutôt sur la notion de temps de travail socialement nécessaire. Un petit point sur la domination abstraite, du coup. La domination abstraite, c'est un peu un sujet qui revient de manière assez récurrente dans pas mal de courants de la communisation, et qui se base un peu sur justement ce flou que Marx entretient avec la valeur. Faut savoir que la notion de travail abstrait n'a jamais existé chez Marx. Littéralement, si on se fie au texte d'origine, ce dont parle Marx, c'est un travail en général, pas vraiment un travail abstrait. La notion de travail abstrait va venir parce que, je crois, il y a eu une traduction dans la langue française où on va mettre ce terme abstrait, et du coup, ça va être repris par pas mal de communisateurs, un truc qui ferait écho, en fait, à une sorte de domination abstraite de la marchandise, comme une sorte de mensonge, de voilement de la réalité sociale, comme un peu le fait que le capital serait avant tout, au final, une sorte de rapport social un peu hypnotique et fétichiste. Bah, Astorian va plutôt remettre en cause cette conception-là. Voilà, il n'y a pas que travail abstrait, non, c'est surtout du travail en général, et que il faut surtout pas partir dans ces catégories de fétichisme, de domination abstraite, puisque tout ça, en fait, c'est lié aux limites de Marx, qui considère que finalement, tout ce qu'il y a de mal dans le capitalisme, bah, c'est le marché et l'anarchie économique, et qu'il faut refaire une analyse du capitalisme, en partant non pas de, comme le fait Marx, à partir d'une sorte de Robinsonade de producteurs idéaux qui librement s'échangeraient les produits de leur travail. Il faut commencer tout de suite par comment le capitalisme est né, à savoir bah, une domination de classe, d'une classe sur une autre. Il faut d'abord comprendre le rapport entre les classes pour comprendre ce que c'est que la valeur. Sur cette question du travail, Astorian va contredire Marx sur le fait que la valeur ne se crée pas sur le marché, mais dans la production, parce que l'activité de production, dans le système capitaliste, elle est déjà formatée pour être une activité créatrice de valeur. Et ça se transcrit principalement à travers deux impératifs, qui sont ceux de la productivité et de la normalisation. C'est vraiment les deux principaux critères qu'il identifie et qui font que le travail est créateur de valeur. Le travail sous le capitalisme doit être un travail dans lequel il y a une recherche de la productivité maximale, parce que les producteurs sont indépendants, aussi interdépendants, et surtout en concurrence. Pour être acceptés sur le marché, leurs produits doivent être produits au minimum, au temps de travail socialement nécessaire minimum. Là, Astorian corrige Marx qui parle d'un temps de travail moyen, alors que Astorian rappelle que le travailleur doit être à son temps minimal le travail, le plus efficace, parce que sinon, sa marchandise vaudra plus cher ou il n'en vendra pas assez. C'est le temps de travail minimum de chacun. On remet une pression. C'est le temps de travail social moyen minimum. Parce qu'en effet, il y a une pression constante pour que ce soit fait le plus productivement possible. Et donc, bah, comme les capitalistes sont en concurrence, chacun cherche à produire le plus efficacement possible. Déjà parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas numériquement en tête ce chiffre du temps de travail socialement nécessaire, qui est le critère qui va décider sur si leur production peut être acceptée, s'insérer sur le marché ou non. Comme ils ne connaissent pas vraiment ce chiffre, ils poussent sans cesse les prolétaires à produire le plus productivement possible. Seconde parenthèse, Astorian semble, à mon sens, un peu s'emporter là-dessus, dans le sens où un producteur, il reproche à Marx d'être sur un marché abstrait, mais bon, le paysan qui va vendre ses graines toutes les semaines, il sait à peu près quels sont les prix du marché. En fait, ils ne vont pas changer d'un coup sur l'autre. Donc bon, ça semble un tout petit peu exagéré. C'est juste une petite parenthèse. C'est pas une question de ne pas savoir les prix du marché, mais plutôt de ne pas savoir le temps de travail socialement nécessaire. Et c'est pas un prix qui est forcément indiqué par le marché. À mon sens, ça le devient assez immédiatement, dès qu'ils vont tous se mettre en concurrence sur le marché, le prix... Après, dans la mesure où il y a une quête de productivité incessante, ce prix, en théorie, il est amené à décroître, parce que l'efficacité de la production est toujours de plus en plus grande. Il y a cet impératif de productivité qui pèse sur la production, qui fait que le travail n'est d'emblée pas neutre, il est vraiment traversé par cette quête d'efficacité maximale permanente. Et d'autre part, bah, y a un autre corollaire qui est celui de la normalisation. Parce que si la recherche de productivité était une contrainte vraiment plus quantitative, dans la mesure où on cherche à restreindre le temps de travail qui est contenu dans chaque objet, il y a une contrainte qui est qualitative, qui est celle donc de la normalisation. C'est que bah, pour pouvoir produire en masse et être certain d'écouler sa marchandise, le capitaliste va forcément va chercher à formater sa production pour répondre en fait à un plus grand nombre d'usages possibles. Astorian prend l'exemple d'une table. Dans le cadre de la production capitaliste, on ne produit pas juste des tables, on produit vraiment des tables qui sont standardisées pour couvrir un grand nombre d'usages, être assez polyvalente et pouvoir s'écouler sur le marché le plus grand possible. Donc il y a tout un secteur... des bureaux d'études, des enquêtes de marché pour arriver vraiment à construire un standard pour chaque produit et qu'il va falloir ensuite respecter. C'est une contrainte aussi qui simplement supplémentaire qui s'impose aux prolétaires et qui est vraiment caractéristique du travail producteur de valeur. Voilà, c'est par là qu'on peut arriver à voir la différence entre le travail dans le capitalisme et le travail à l'époque féodale ou dans l'Antiquité. On a la productivité, la normalisation, parce que le marché est beaucoup plus présent et la concurrence beaucoup plus forte. Donc le travail est producteur de valeur, pas simplement parce qu'il est exploité, comptabilisé selon le temps de travail humain qui est dépensé, mais aussi parce qu'il y a des contraintes matérielles sur la production qui encouragent en permanence la productivité et qui renforcent la normalisation des produits. Ce qu'Astarian apporte, c'est pas juste donc des compléments, d'évoquer ces aspects qui n'étaient pas chez Marx, la productivité, la normalisation. C'est pour dire aussi que dans une société communiste, il faudra envisager une forme de travail qui soit aussi libérée de ces impératifs de productivité et de normalisation. Sans quoi on ne pourra pas revendiquer que cette société en aura définitivement fini avec l'aliénation. L'activité productive dans le communisme ne peut pas se concevoir comme une activité de production de biens standardisée. On ne va pas retourner dans des usines pour construire des armoires qui ont été établies par des plans. Et en fait, l'activité productive dans le communisme sera forcément du sur-mesure généralisé. En fait. Il sera tenu compte de la spécificité du besoin de chacun. Ce sera du sur-mesure et ce ne sera même pas du travail. Et c'est justement ce dont on va parler là maintenant. Ce sera de l'antitravail. De l'antitravail ou de l'activité. Du fait du taylorisme, du fordisme et en fait d'une grosse accélération dans la déqualification du travail salarié sous le capitalisme, on a vu apparaître beaucoup de luttes dans les années 60-70 qui ne se battaient pas pour de meilleures conditions de travail au sein de l'entreprise, mais plutôt sur des dynamiques anti-travail, c'est-à-dire qui remettaient en cause même leur mise au travail, le travail qu'ils faisaient. Alors ça se faisait par de multiples formes. Ça pouvait se faire par de l'absentéisme, ça pouvait se faire par du sabotage, sabotage de l'outil de travail notamment. De destruction pure et simple. Ça peut être même carrément l'incendie de l'usine entière. Bon, après, toutes ces choses-là ne signifient pas forcément en tant que tel anti-travail, puisqu'on peut très bien, je sais pas moi... avoir, je sais pas, des ouvriers qui font sauter leur usine parce qu'il y a un plan de licenciement et vu qu'ils vont se faire licencier, bah, ils font sauter l'usine. Bon, bah, ça, c'est pas de l'antitravail. Pareil pour ce qui est du sabotage à l'ancienne sous la forme dont parle Émile Pouget, qui sont plutôt des travailleurs qualifiés, des coiffeurs, des boulangers, etc., qui font du sabotage ci et là, mais surtout pour emmerder le patron, pas pour saboter leur propre travail. Il n'est pas du tout question pour eux de quitter leur travail. Au contraire, ils défendent une qualification de leur travail. Ce qui est la même chose avec les mouvements luddites en Angleterre. C'était pas question de... Le seul outil de travail qu'on sabotait, c'était les machines modernes qui arrivaient. Mais les machines, les outils qu'utilisaient déjà les luddites, il n'était certainement pas question de les détruire. C'était juste dans le cadre d'une négociation du salaire et une négociation de la qualification du travail, faire des actions pour faire chier les patrons. Oui, le sabotage était une forme de négociation, de montrer les gros bras pour obtenir des conditions de travail plus favorables aux prolétaires. Et donc c'est une forme de lutte qu'on a surtout vu apparaître dans les usines dites fordisées, c'est-à-dire le travail à la chaîne, les cadences infernales, etc., où bah, le travail était tellement déqualifié que le travail était vu comme quelque chose de purement nocif. C'est toujours la question de la séparation avec l'outil de production. On refait un petit pont par Hegel et puis on se retrouve. Quand l'ouvrier arrive à produire un objet qu'il regarde en face et qu'il voit comme sa production, il a un sentiment d'accomplissement. Pas forcément. Et justement, c'est ce qu'on comprend dans le cadre d'une productivisation du travail. En fait, le travail peut être en tant que tel quelque chose qui détruit le corps. Même si on peut être fier de sa production, là, ce dont on parle, en fait, c'est surtout un travail qui est réduit à un tel niveau de déqualification que, en fait, même si les ouvriers de chez Ford pouvaient avoir la voiture qu'ils avaient produite, les conditions de travail étaient telles qu'en fait, ils allaient plutôt rayer les bagnoles, quoi. Ils allaient saboter, se foutre en grève sauvage. Voilà, c'est toutes les luttes des OS des années 60 à 70 qui ont eu lieu dans toutes les grosses métropoles capitalistes à l'occidental. En notre forme d'antitravail, on peut dire qu'il y a aussi du vol, hein. voler les moyens de production, ouais, ou les produits du travail. Bah, en Italie, il y avait plein d'usines qui étaient complètement ingérables, où les ouvriers venaient simplement sur le lieu de travail, mais ils circulaient à travers les différentes chaînes sans travailler, en fait. Ils faisaient que flâner sur le lieu de travail. Starian parle de l'absentéisme. Et ça, c'était plutôt un sacré fléau dans pas mal d'usines, notamment aux États-Unis. Il y a des périodes où des lundis où l'usine se retrouvait avec 50% de son effectif qui n'était juste pas là. C'était même pas pour maladie ou quoi que c'est ça, c'est juste les gens ne venaient pas. Et c'était un peu truc un peu légion et incontrôlable. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Un fléau qui est apparu dès l'introduction en fait de l'organisation scientifique du travail, qu'on constatait pas forcément avant. Qui était assez courant dans ces luttes d'OS, ouvriers spécialisés. En plus de cet absentéisme, il y avait l'absentéisme de grève, qui pour Astarion est quand même quelque chose d'assez important, c'est-à-dire que c'était le cas en 68, les syndicats se plaignaient que les gens ne venaient pas occuper leurs usines. Juste, ils rentraient chez eux et... Ils venaient juste pour les cantines. Est-ce que c'est quelque chose qui favorise la politisation est-ce que ça favorise le côté révolutionnaire du prolétariat peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais en fait, on s'en fout. Le sujet n'est pas là, c'est juste comprendre ce phénomène de l'antitravail, phénomène qui n'est pas forcément révolutionnaire, mais en tout cas, phénomène qui est nouveau, quoi. Et qui fait que bah, toute la manière dont on concevait le communisme à l'époque de Marx, à l'époque du programme prolétarien, est inenvisageable avec cette nouvelle classe prolétarienne qui remet en cause les deux catégories essentielles de la production capitaliste, à savoir la productivité et la normalisation. Et donc le fait que ces pratiques anti-travail soient apparues massivement dans les luttes disent bien que la société communiste future ne sera pas une société de travail. Et c'est là que Astarian envisage ce que serait vraiment une société communiste, le travail, une société où le travail serait aboli. Et il s'agit pour lui de définir quelle activité productive, quelle forme aura l'activité productive. En l'occurrence, en fait, la production ne sera pas accomplie pour satisfaire des besoins sociaux. Il ne s'agira pas de dire on a besoin de produire tant de tonnes de pommes de terre, donc on va le faire selon une organisation précise. Et, en fait, la production va être surtout le fruit d'un être ensemble, des individus. D'une activité dans laquelle ils se retrouveront et trouveront un plaisir à être ensemble. Donc la production ne sera pas un objectif, une activité qui répondra à un besoin, mais avant tout une manière d'être. À partir du moment où il n'y a plus cette contrainte de la productivité, l'activité productive devient une activité pas seulement productive, devient une activité plaisante en tant que telle, qui peut prendre la forme... qui est ouverte à toutes les expérimentations. Oui, c'est une transformation des manières de produire, des manières d'être. Donc ça peut prendre des formes ludiques, des formes de jeu, ça peut prendre la forme de choses collectives, des formes beaucoup plus créatrices. C'est en fait une activité qui ne sera pas prédéterminée par son résultat, mais qui se caractérisera aussi par un abandon complet à la liberté du processus lui-même, de cette activité. Une activité libérée de la contrainte du temps. Starian parle mal de ça, du fait que dans la communisation, le communisme, les ouvriers ont... Enfin, qui sont plus des ouvriers du coup, on a le temps. Il n'y a plus de... Qui enlève l'impératif de productivité enlève l'impératif de temps. Les critiques sont toujours plus convaincantes sur la critique qu'ils font des époques précédentes que que convaincantes au niveau de la prospective, parce que autant on a envie d'être dedans, on a envie d'être dedans dans cette époque-là, et évidemment il y aurait une grosse part de ça, on y semble très convaincant. Autant Starian passe finalement pas tant de temps que ça sur ce plan-là, et son esquisse semble un petit peu naïve quand même. Parce que autant quand il s'agit de produire des choses complexes, on peut dire, je sais pas, on produit des tables, des objets qui peuvent devenir des objets d'art, dans lesquels l'expérimentation peut être très plaisante, autant quand il s'agit de faire du pain et de faire pousser du blé, bon. Voilà, la démarche ludique, par exemple, sur laquelle il insiste, qui sera toujours à réinventer, semble plus délicate. Alors, il y a déjà des expériences de ça aujourd'hui. Il y a plein d'exemples où on s'est écarté d'impératifs de productivité. Et oui, bah viens à Rouen, je te montrerai comment on fait du pain de manière ludique. Du bon pain au levain à la ferme de Lauzeray. C'est un moment de partage, de collectivité. Pareil pour le maraîchage et pareil pour le blé. Alors, évidemment, ce ne sera pas de la monoculture ou des trucs de merde comme ça qui finissent pour les trois quarts gaspillés. Produit quand même de la grosse merde pas nutritive et qui en plus est souvent gaspillée. Mais une activité paysanne peut, même si c'est peut-être un des trucs qui demande le plus d'efforts, ça peut être très facilement transformé en quelque chose de qui n'est pas genre les vendanges où t'as pas le droit de parler à ton binôme. Mais vas-y, mais donne-nous un exemple justement de ça. Moi, il y a un truc qui me fait marrer. Comment sur un campement soulèvement de la terre, on essaie de motiver les gens pour faire la vaisselle. Bah en fait, il y a un collectif qui s'est monté. Techno Wash ou Techno Vaisselle, un truc comme ça. Et juste, bah en fait, ils installent plusieurs tables avec différents bacs dessus. De l'eau chaude, de l'eau savonneuse, il y a des éponges, il y a des assiettes qui arrivent par milliers. Et c'est plusieurs équipes, donc en fait la proximité fait que c'est carrément, enfin c'est un espace parfait pour discuter, rencontrer des gens. Et en même temps de ça, bah il y a une énorme sono où en fait, bah il y a un type qui passe dans les rangs et qui demande bah quelle musique tu veux mettre, on la fait passer. Et à la fin, quand la tâche est faite, on se file un petit ticket pour que t'aies une bière en plus à la tireuse quoi. Bon après ça c'est un exemple marrant, mais en fait c'est les possibilités d'invention elles sont gigantesques. Mais tu souscris quand même à ma critique sur des tâches aussi un peu harassantes comme culture agricole, faire pousser du blé, bon, retourner faire des sillons, retourner la terre, le planter un peu sous le canard, etc. Effectivement, on peut le faire à plusieurs, et dès le moment où il y a le truc à plusieurs, il parle de ça, il parle du jeu, il parle du fait que le but soit social avant tout. Si tu vas au boulot en sachant que tu vas pouvoir parler avec tes potes ou rencontrer des gens que tu connais pas, mal à ramasser les ordures, je pense que ce sera fait dans de telles conditions que ça donnera envie. Je me souviens, ce qu'il dit aussi, c'est que s'il y a une activité dans laquelle il sera pas possible d'envisager une manière ludique de la faire ou suffisamment plaisante pour les gens, cette activité sera abandonnée en fait. Je pense plutôt qu'aller piocher du charbon par 100 mètres de fond, là ça va être plus discutable en effet. Même qu'on trouve des conditions suffisamment joyeuses pour y aller. Astarian dit pas que le travail c'est l'effort, que c'est une activité pas seulement productive, et peut-être qu'effectivement dans un processus révolutionnaire on devra passer par une phase agricole, mais si effectivement l'agriculture est un truc aussi physique et aussi chronophage que ça l'est aujourd'hui, quand des gens se mettent dans des trucs un peu alternativistes ou dans de l'installation paysanne, se posera la nécessité de retourner à des formes plus... C'est parce que c'est des contextes où ils produisent avec beaucoup moins de moyens techniques, plus à l'ancienne, et en effet là ça devient harassant. Mais dès que tu as des moyens performants, ça devient plus facile. La production de moyens performants, donc de machines, ça demande d'avoir des usines qui sont capables ces machines. Ça demande des chaînes d'approvisionnement complexes, ça demande des matériaux. De réintroduire de la productivité, de la normalisation, ça veut dire de la pollution aussi. Ce qu'il dit, c'est que ce sera concerté en fait. Le problème en soi, c'est pas la productivité. Il y aura toujours une production qui peut être performante, productive. Ce qui sera effacé, c'est la quête permanente de la productivité et de l'amélioration de la production. D'accord. C'est ça qui fait la différence. C'est que dans le capital, c'est vraiment préétabli que la production doit être organisée de manière toujours plus efficace, tandis que dans le communisme, ce sera toujours soumis à un objectif particulier que les gens souhaitent atteindre. Donc selon la tâche à effectuer, si pour qu'elle soit plaisante, il faut en effet qu'on fabrique des machines qui rendent ce travail moins harassant, on le fera. Après, clairement, ce qui semble envisagé, c'est qu'il y aura bien une abolition du travail sous sa forme industrielle. Parce que l'usine, ça reste l'usine, donc c'est le cadençage, la chaîne de montage, ça c'est évident que ça n'existera plus. Ce sera des coopératives toutes mignonnes. Mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'on a déjà pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens-là et qui semblent se rapprocher de ce que dit Astarian. Donc c'est tout ce qui est ZAD, tout ce qui est groupe autonome, autonomiste. Finalement, ils sont déjà en train d'expérimenter ces méthodes. Un niveau basique. Les ZAD, ils ne sont pas dans une situation où ils seraient en mesure de produire de manière communiste des machines avancées. Alors, je vais vous donner une anecdote de ouf. Il faut savoir que dans le monde du bâtiment, pour faire l'isolation des bâtiments, tu peux utiliser de la paille à condition que ce truc soit pressé, extrêmement bien pressé, pour que en fait il n'y ait pas d'air qui circule et que du coup ce soit pas un truc inflammable. Et il s'avère que l'usine qui est la plus en pointe technologiquement, elle est à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et genre, c'est des putains de schlags paysans qui ont juste chopé une machine, ils l'ont rebidouillée et ils subissent de l'espionnage technologique parce qu'en fait, des gens veulent choper leurs plans pour les breveter. Parce qu'eux, ils refusent, du coup, évidemment, que ce soit breveté. J'ai raconté cette anecdote-là à la ZAD que très régulièrement, il y avait des gens qui venaient pour faire de l'espionnage et choper leurs plans. Quoi. Ouais. Ils ont même failli fabriquer un aéroport à la ZAD. En fait, ils avaient réussi à fabriquer des avions un peu à l'arrache. Et un jour, à l'Assemblée Générale contre l'aéroport, ils ont soumis l'idée de peut-être construire un aéroport pour faire atterrir leurs avions. Le cas de la ZAD, c'est assez fort parce que c'était un endroit où il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait un peu plein de gens hyper inventifs, hyper à la pointe dans les modes de vie alternatifs qui s'y retrouvaient. Un peu les gens les plus radicaux, quoi, sur le plan pratique, qui se sont concentrés à cet endroit-là. T'as parlé de bidouillage, c'est une autre catégorie que Castarian aussi évoque pour décrire ce nouveau mode de production. La production, en fait, pourra se faire non pas comme bidouillage, mais similaire. Il appelle ça le bricolage. C'est-à-dire, dans les conditions où seront mis les prolétaires dans des phases d'insurrection, où ils auront éventuellement à reprendre la production et à commencer à communiser, ils pourront jamais compter sur des chaînes d'approvisionnement stables. Le but de la production étant à ce moment-là de toujours de renforcer la lutte, produire en fait jamais des produits qui seront standardisés. Ils feront toujours avec les moyens du bord, et donc la production sera toujours bricolée. Elle remplira des besoins qui seront jamais tout à fait les mêmes. Dans ce mode production, on voit qu'il y a une disparition des catégories de valeurs d'usage, telle que l'a défini Marx, une utilité fixe et donnée d'un objet. Il n'y a pas de standardisation. C'est dans le cadre de la production bricolée qu'on peut à proprement parler d'abolition de la valeur. Du fait que dans l'impératif de lutte, on cherche à utiliser, à produire, à faire ce qui est le plus efficace pour la lutte. La productivité et la normalisation deviennent juste une entrave, quoi, un truc inutile. D'autant plus que le travail s'arrête et que tous les flux logistiques mondialisés se retrouvent mis à l'arrêt et que les tentatives autogestionnaires sont donc impossibles. Ce dont on a parlé jusque-là d'Astarian fait plutôt référence et plutôt inclus dans son avant-dernier ouvrage qui est l'abolition de la valeur, où il s'attaque à l'idée de la valeur chez Marx. Là, ce dont on va parler est plutôt inclus dans son bouquin suivant qui est Le ménage à trois de la classe moyenne, centré sur la classe moyenne, dont la fin est une prospective vraiment sur la crise, comment la crise va éclater, la crise que nous attendons tous, que nous sentons tous, et comment elle va éclater, quelles seront les conséquences, comment le capital va y réagir et comment le prolétariat va y réagir. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, ce sera les chapitres 11 et 12 sur le ménage à trois de la classe moyenne que vous trouvez sur le site d'Astarian. Comment va se manifester la crise, l'explosion de la crise imminente, cette montée vers la crise que Astarian présente comme une crise qui sera au moins aussi forte que la crise de 29. On a un cas un peu similaire, des bulles de crédit extrêmement élevées dans le secteur immobilier, dans le secteur du crédit aux ménages, du crédit aux entreprises. Mais là, elle risque d'être encore plus importante. Donc préparez-vous, ça va secouer. Le premier point moi, que j'ai noté, c'est les limites de la formule actuelle de la plus-value. Je crois que c'est celui qui est dans son chapitre aussi. Une chose qui semble un peu contre-intuitive, c'est que la formule actuelle de la plus-value du capital fonctionne pas très bien et elle est en train de... Et elle est un peu bloquée, le capital n'arrive pas à changer de formule. Qu'est-ce qu'on veut dire par cette formule-là? C'est que, dans les années 70, les capitaux occidentaux se sont déplacés vers des pays où la main-d'œuvre était très, très faible. Surtout plus disciplinée aussi, puisque le problème principal que les capitalistes avaient sous le nez, c'est qu'il y avait une indiscipline grandissante dans les entreprises, qui s'est transcrite dans tous les mouvements de ces époques-là. Il fallait se rendre dans des pays où le marché du travail était plus tendu, où la main-d'œuvre qu'on allait recruter forcément allait se soumettre mieux aux exigences du travail fordisé intensifié. Il faut surtout parler en fait de la formule de la plus-value, en tout cas celle du modèle fordiste, savoir une prépotence de la plus-value relative qui s'est faite par des gains de productivité énormes, qui a pu se faire pendant toute la période des OS, mais qui, du fait de la baisse du taux de profit, C'est un peu mis à stagner et c'est plutôt déplacé sur un retour de mode d'exploitation sous la forme absolue. Donc c'est ce qui explique pour beaucoup les délocalisations dans des pays où les salaires étaient beaucoup plus bas. Effectivement, il y avait une lutte. Enfin, disons que on avait une main-d'œuvre qui était plus disciplinée de par le niveau de précarité de là où ils étaient et du chômage gigantesque qui poussait les gens à accepter n'importe quoi. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, on a les. Enfin, c'est ce qui explique Astarion, c'est qu'il est. Il y a aujourd'hui, on a très peu d'anti-travail que dans les années 60-70, notamment parce qu'il y a la peur du chômage dans le monde occidental. Il y a ça, plus la surveillance de masse, etc. C'était plutôt ce qu'on appelle le post-fordisme. Donc, c'est-à-dire, en fait, on laisse un peu les usines fordisées occidentales à l'état où elles sont. Celles qui sont en déficit, on les laisse crever. Ça fait, du coup, plein de La gens place. licenciés, etc. Il y a des délocalisations qui se font dans les pays dits en voie de développement. Dans le même temps, bah, les conditions de travail sont toujours aussi pourries actuellement, même dans les usines. Même si on a l'impression que le travail à la chaîne était pire avant, dans les usines à la chaîne aujourd'hui, c'est pareil, sauf qu'il y a plus de flicage et qu'il y a moins de lutte anti-travail, comme je l'ai dit précédemment. Ça, c'était l'époque dite post-fordiste. Et ensuite, nous, on est un peu à la fin de tout ça, un moment où ce truc-là tient de moins en moins et que le redémarrage de la plus-value relative est devenu très compliqué, quoi. Ça demande des investissements toujours plus colossaux pour une rentabilité qui est de plus en plus incertaine. C'est-à-dire que moins la rentabilité sera au rendez-vous, plus les capitalistes sont réticents à faire des investissements et donc ils s'appuient de plus en plus sur une relance de la plus-value absolue. Donc qui se fait dans les pays de destination des délocalisations, mais aussi de plus en plus chez nous, dans les pays occidentaux, par le démantèlement des différents dispositifs qui constituaient ce qui s'est appelé le compromis fordiste. C'est-à-dire que dans l'après-guerre, en échange de l'acceptation de l'organisation scientifique du travail et donc des travail à la chaîne, on a eu une période de haut salaire avec en contrepartie donc des encadrements par des institutions comme la sécurité sociale, etc. Les lois sur les 35 heures et tout ça saute petit à petit et les patrons cherchent à flexibiliser le marché du travail pour éliminer les temps morts et imposer des heures supplémentaires. Donc un marché du travail plus liquide où en effet on fait travailler les gens que dans des horaires denses et on s'appuie aussi sur le turnover. Comme il y a un chômage important et on crée des postes où le travail est très très intensif mais on s'en fout parce qu'on sait que voilà ça va les effectifs vont tourner et donc les cadences vont être soutenables si ce n'est par les mêmes prolétaires du moins par des renouvellements incessants. Que Et tu viens de ça dire, reste mais. un pis-aller parce que cette relance de la plus-value absolue, elle n'est pas ce qui pourrait véritablement créer un nouveau cycle d'accumulation pour le capital. Astarion dit bien que c'est vraiment l'effet d'un pourrissement de la formule actuelle de la plus-value, telle qu'elle s'est elle s'est dessinée depuis les années 70. Mais pour qu'il y ait vraiment une relance, un nouveau cycle, il faudrait que le capital parvienne de nouveau, par des investissements en capital fixe, à relancer de façon intensive la production de plus-value relative. Mais pour l'instant, ces investissements qui consisteraient au coût de l'utilisation, bah, de ce qu'on parle tout le temps, mais de manière un peu con, l'IA ou les technologies de l'information, ne seraient même pas assez rentables pour justifier des investissements aussi importants, quoi. C'est pour ça Parce que que. c'est toujours mollasson, en fait. C'est toujours annoncé qu'il y a des investissements toujours plus faramineux dans ces nouvelles technologies, mais ça peine à aboutir parce qu'il y a des résistances. En réalité, ce que dit Astarion, c'est plutôt le contraire. C'est qu'il y a plutôt des blocages pour l'arrivée de nouveaux investissements, de nouveaux capitaux dans le domaine des hautes technologies, du fait qu'il y a des gros cartels, des gros oligopoles qui se sont constitués et qui font tout pour justement empêcher l'arrivée de nouveaux capitaux concurrents. Ça, c'est pour prendre des parts de marché dans ces branches-là, c'est pas pour les rendre plus productifs. Les cartels existants, en fait, s'opposent à ce qu'il y ait de nouveaux investissements parce que ça remettrait en question leur position dominante dans la formule actuelle. Et en réalité, si, parce qu'une mise en concurrence pousserait à des innovations technologiques beaucoup plus poussées. Après, il y a aussi le fait que ces nouvelles technologies restent dans un domaine très circonscrit et que ça ne se diffuse pas à l'ensemble de la société. La plus-value relative, c'est pas juste l'innovation technologique, c'est le fait qu'on va faire baisser le coût des paniers de subsistance de la classe du travail. Oui, c'est que ça passe pas dans le secteur 2. Secteur 2 qui est le secteur en fait des marchandises, voilà, des moyens de consommation. Secteur 1 qui est plutôt le secteur des moyens de production. Aujourd'hui, notre pouvoir d'achat continue de diminuer parce que bah, justement, on n'a pas su profiter de cette numérisation pour qu'il y ait des logements accessibles, une bouffe moins chère et un pouvoir d'achat plus élevé. Ça supposerait de s'attaquer à des rentes. Des rentes de position. Et puis, c'est des barrières qui peuvent se faire du point de vue des brevets, ça peut être des accords entre gros capitalistes pour faire pression sur des petits capitalistes, ça peut être toutes ces choses-là, mais ça peut être aussi des trucs idéologiques. C'est un exemple qui est assez parlant, le débat, toute la propagande qu'on a en ce moment sur l'IA, à savoir que Elon Musk a dit qu'on a ouvert la porte des enfers avec l'IA. La propagande anti-IA, c'est quelque chose qui favorise en réalité beaucoup ces cartels de l'IA, de la Silicon Valley, etc. Puisque justement, faire peur autour de l'IA, ça permet de réguler et du coup, ça rend beaucoup plus l'arrivée de nouvelles start-up, de nouveaux capitaux dans ce domaine-là, ça rend tout beaucoup plus compliqué. Pour se rendre compte de qu'est-ce qu'il faudrait faire avec l'IA, bah, en gros, il faudrait faire exactement ce qu'on a fait avec le marché de la drogue, démanteler les cartels, comme ça, y a plein de petits producteurs qui peuvent se lancer, ça crée de la concurrence, les prix chutent. Et toute l'Amérique est droguée. Toute la guerre contre la drogue aux États-Unis a abouti à une drogue beaucoup plus accessible. Les cartels mexicains, colombiens, etc., vu que eux ils maintenaient toute leur production à un prix de monopole, et ben en fait, C'est pour ça que le fentanyl a triomphé. Oui, bah après, oui, il y a ça. Mais même pour ce qui est le trafic. La destruction des cartels qui a tellement été vantée par le gouvernement américain dans sa lutte contre la drogue a abouti en fait à une libéralisation de la drogue. Et du coup, un abaissement du coût de la drogue qui fait partie du panier des subsistances du prolétariat. Donc quelque part, on peut dire que c'est une micro-avancée pour le capital dans son mode d'exploitation sous sa forme relative. Pour le reste, bah, la formule actuelle du capital est complètement biaisée parce qu'il y a des branches dites ouvertes et d'autres, des branches dites fermées qui ont un pouvoir d'instaurer un monopole sur la production et justement de freiner ces investissements qui relanceraient le mécanisme de la plus-value relative. C'est pour ça qu'Astarian aussi il dit qu'actuellement la péréquation du taux de profit est complètement biaisée du fait de l'existence de ces monopoles qui ont des rentes de situation qui les rend capables de tirer à eux une partie croissante de la plus-value sociale au détriment des autres capitaux. Et par leur position, ils ont le pouvoir de s'opposer à ces investissements qui créeraient une relance possible pour le capital dans son ensemble. Ce qui nous amène donc à une contradiction au sein de la classe capitaliste entre ceux qui représentent les branches ouvertes et les branches fermées. La péréquation stratifiée, avec Marco a esquissé de manière abstraite, c'est ça que dit Astarian très clairement, c'est qu'on a, tout au-dessus des branches fermées internationales. Donc branches fermées, c'est tout simple, hein, c'est les monopoles. Pour l'instant, les monopoles pompent la plus-value des PME qui bossent pour eux. C'est par exemple Total qui a plein de PME qui vont lui faire des parties de leur système de pompage, etc. Et donc... des trucs de haut niveau, à haute valeur ajoutée, mais qui dépendent de Total. Et donc, Total peut avoir une pression sur eux et donc pomper leur plus-value. Et donc, les monopoles sont dans une situation un peu tranquille, mais ils pompent de plus en plus sur leur PME, et du coup, ils les mettent dans la merde. Et par contre, oui, les branches ouvertes, que ce soit le retail, l'automobile, n'ont pas ce recours-là, puisqu'elles ont une concurrence forte les unes entre les autres dans leurs branches. Bon, l'automobile, c'est évident, le retail aussi, voilà. Et donc, leur propre PME pourrait se vendre à leurs concurrents ensuite, enfin, si elle leur pompait trop. Alors qu'il y a moins d'acteurs dans ces gros oligopoles internationaux que j'évoquais, comme le pétrole. Stéphane parle de la pharmacie aussi, mais bon, on pense aux GAFA, par exemple. Hein. L'exemple des GAFA est assez facile à saisir. Même s'il y a de la concurrence entre les GAFA, ils sont tellement peu qu'ils sont capables, en fait, de pas trop se mener une guerre trop féroce et ensuite de pomper de la plus-value sur les autres. Le rente se fait surtout par la pressurisation des PME, des externalisations, de toutes ces des délocalisations et de tous ces trucs-là. Pour en revenir à la crise... Le fait que tout un tas de PME soient aujourd'hui déficitaire et soit en état de perfusion par l'État, les banques centrales, etc. Le jour où toutes ces PME crèvent, bah, réveillera en fait une concurrence très forte au sein même des oligopoles. Et donc voilà, ça peut dessiner une cartographie des rivalités capitalistes qui naîtront au cours de la crise qui vient. Après, on va parler de la crise pour les capitalistes, comment les capitalistes se réorganisent dans la crise. Point qu'on note dans cette montée vers la crise, le surendettement, c'est les grandes bulles financières, voilà, le crédit des ménages, le crédit des entreprises, le quantitative easing évidemment, la dette étudiante, dénationalisation de l'État, les investisseurs sont devenus plus forts que les États, BlackRock comme exemple le plus évident, ils ont racheté pas mal d'obligations, dettes d'État, donc en fait ils peuvent faire pression sur eux, et donc les États sont obligés d'accepter leurs conditions, d'accepter leurs lois, leurs règles en fait. C'est même que les États-nations sont devenus un peu un modèle caduque, étant donné qu'on est à l'ère des multinationales, que ce qui gouverne réellement, bah, c'est les instances transnationales. Il y a moins d'investissements qui sont accordés aux États. En tout cas, le sujet de la dénationalisation de l'État, je trouve que c'est un gros sujet. Mais oui, c'est pour dire qu'en fait, l'État a moins de pouvoir et donc il ne peut pas empêcher les banques, ensuite, notamment les banques nationales ou de grands groupes, de poursuivre cette course vers le crédit. Et donc ces bulles-là qui exploseront in fine. Donc en fait, l'État n'a pas de pouvoir de contrôle. Vous avez pris le petit train là pour monter vers la crise, là, au parc d'attractions. Là, on est arrivé tout en haut de la crise. Et puis là, maintenant, on va dégringoler. On va aller se prendre le gros stress, les loopings. Donc bienvenue dans l'activité de crise du capital en réponse à la crise. La crise éclate, qu'est-ce que font les capitalistes dans cette situation-là? Ce qu'ils font d'ores et déjà, c'est que après le Covid, il y a un mot qui a commencé à se répandre, c'est celui de démondialisation. Les chaînes de valeur qui dépendent vraiment d'approvisionnements mondiaux vont tendre de plus en plus à se restreindre. Les capitalistes cherchent de plus en plus à relocaliser la production pour ne pas être dépendants d'une rupture dans ces chaînes. Donc des relocalisations de capital, ce qui va supposer de faire bosser les prolétaires des pays occidentaux à des tarifs discount à l'ancienne. La crise du Covid n'était pas le fameux credit crunch qu'on attendait, même si en fait c'est juste la formule actuelle qui est devenue encore plus folle, des déversements de crédit, d'argent magique de manière assez illimitée. On a un peu survécu de justesse quoi. Là où effectivement il y aura une sorte de balkanisation, de recroquevillement des capitaux au moment de la crise pour tenter une nouvelle restructuration, ça se fera à partir des rivalités capitalistes qu'on a décrit précédemment, à savoir ceux qui ont tout intérêt à niquer les gros oligopoles qui sont assez globalement regroupés derrière l'État américain, mais pas que, et qui ont tout intérêt à restructurer le capitalisme sous sa formule d'accumulation de type plus-value relative. Et de l'autre côté, plutôt une classe capitaliste réactionnaire qui aurait tout intérêt à maintenir la formule actuelle, à maintenir ses privilèges. Après, même pour dans le camp de ceux qui seraient pour une restructuration capitaliste, tous ne sont pas en capacité de déployer le développement technologique, les investissements nécessaires pour faire cette chose. Certains le peuvent, certains le peuvent pas. Et donc, même au sein de cette branche ouverte, il y aura des perdants et des gagnants. Juste une précision, ce conflit, ce sera entre branche ouverte, branche fermée, entre les capitalistes, c'est les branches ouvertes qui auront le plus intérêt à effectuer des gains de productivité. Les branches fermées donc, sont un peu tranquilles, elles ont plutôt intérêt à garder leur mainmise et empêcher d'autres acteurs de venir, mais les branches ouvertes, elles, auront intérêt à... Voilà, la concurrence sera trop forte entre elles auront perdu trop d'argent, donc elles auront un investissement, donc elles auront besoin de... Les branches ouvertes, elles, c'est qu'elles subissent beaucoup plus, c'est la pression de la part des oligopoles. Et certes, elles subissent une concurrence très forte entre elles. Elles, leur projet, ce sera de mettre toutes les branches qui aujourd'hui sont protégées par des monopoles, de les mettre en situation de concurrence, elles aussi. Par pression de la part des oligopoles, c'est peut-être un peu flou. Ce qu'on entend, c'est, par exemple, l'oligopole du pétrole, faut une pression parce que c'est des dépenses... ils forcent le prix des dépenses obligatoires en fait que les autres doivent subir, donc ils n'ont pas de marge de manœuvre dessus. les GAFAM font une pression aussi, parce que à travers leurs plateformes AWS, GCP, les grandes plateformes internet de data, qui sont tellement puissantes qu'elles obligent un peu les autres à fonctionner avec, ils peuvent aussi imposer leurs tarifs dessus. Voilà, ça peut être ça. Ou... Pour l'instant, elles acceptent ça, elles se concentrent un peu sur autre chose, sur l'augmentation de leur productivité autrement, mais elles n'auront pas le choix en situation de crise que de ronger un bout supplémentaire de leur chaîne, quoi. Et donc de s'attaquer aux rentes de position de ces branches fermées. Voilà, donc d'obliger à baisser les prix du pétrole, d'obliger les GAFA à baisser les prix de leurs services, leurs produits. Et pourquoi cette lutte se mènera par des grands mouvements de relocalisation de capitaux ? Pour relancer la plus-value relative, déjà le fait que toutes les bulles explosent, ça créera nécessairement grosse pénurie de plus-value sociale que s'arracheront en fait tous les capitalistes. C'est ce qui poussera à des conflits extrêmes, voire à des guerres. Et c'est ce qui poussera à la destruction de tous les capitaux improductifs. Très clairement, les circuits courts pour Astarian, c'est la forme nécessaire en fait du capitalisme... de l'avenir. Pour Astarian, les transports sont un coût improductif. Alors certes, évidemment, même si on aura ce recroquevillement, évidemment, il y aura toujours la nécessité d'avoir des apports en matière première, donc ce ne sera pas totalement un recroquevillement, il y aura toujours des impérialismes, etc. Mais ce sera des impérialismes très recentrés autour de complexes militaro-industriels qui pourront assumer cette rivalité avec... les capitalistes rivaux. Le prix, alors, le prix des coûts d'énergie diminueront peut-être, mais comparé à la valeur ou à la diminution énorme de valeur des produits, relativement, le coût du transport sera beaucoup plus dur à assumer. Donc, ça entraînera un recroquevillement territorial. De qu'est-ce qui produit de la valeur, qu'est-ce qui n'en produit pas, donc qu'est-ce qui fait qu'un capital est productif, qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas productif. Pour Astarian, il reprend la division que fait Marx dans ces trois types de capitaux, à savoir que pour Marx, il y a le capital industriel, il y a le capital marchand et le capital financier. Pour Marx, même s'il le dit pas explicitement, très clairement, c'est le capital industriel qui produit de la valeur, qui produit de la plus-value. Dans ce capital industriel, on retrouve en fait ce qui fait la composition organique du capital, à savoir capital variable, capital constant, la force de travail humaine et les moyens de production qui l'accompagnent en vue de produire des marchandises. On est un peu hésitant sur cette conception. La question où est l'origine de la valeur, c'est assez complexe. Les frontières sont assez difficiles à poser et je crois que c'est un peu débat interminal de marxiste qui revient constamment. Mais en tout cas, c'est une division hyper importante pour comprendre les métamorphoses nécessaires après la grande crise du crédit qui viendra. Disons qu'on va le voir empiriquement, plutôt que chercher à comprendre théoriquement quel secteur est productif, quel secteur est improductif. On va voir les secteurs qui sont improductifs dans la mesure où ce sera ceux que les capitalistes vont chercher à réduire le plus. Dans ces secteurs productifs, il y a notamment l'État. Là aussi, on peut revenir sur la dénationalisation de l'État, mais très clairement, l'État est très majoritairement un secteur purement improductif, qui stérilise beaucoup de capitaux, qui ne produit pas de valeur, et ciao les profs, ciao les fonctionnaires. Par contre, les policiers en a besoin. Puis l'armée aussi, de plus en plus, il y en aura besoin. L'armée. Il y aura quand même une limite à la guerre contre ces capitaux improductifs. Même si on peut également attaquer Astarian sur le fait que à chaque fois qu'il y a eu un keynésianisme militaire, une relance du militarisme, on a une diffusion des nouvelles technologies militaires qui rentrent, qui deviennent des technologies civiles. Il y a une innovation qui se fait systématiquement et in fine, même si effectivement produire des armes ne permet pas de produire les subsistances du travailleur ou les moyens de production moyens de production de marchandises. Du moins, on produit les technologies qui, à l'avenir, permettront de produire à moindre coût les subsistances des prolétaires. Pour que cette relocalisation soit effective et que le capital puisse fonctionner sur des circuits courts, cela suppose déjà qu'il fasse travailler les prolétaires des grands centres d'accumulation de nouveau à des salaires bas, et aussi bas que ceux du tiers-monde actuellement. Ça suppose, encore une fois, que la guerre contre les monopoles et oligopoles ait été réussie. Parce que pour payer les gens moins, effectivement, il faudra déjà faire baisser le coût de leur subsistance. Donc il faudra que le problème du logement, de la crise du logement telle qu'on la connaît actuellement, soit résolu. Parce que l'immobilier, étant un produit financier, il gonfle comme toutes les autres bulles. Et ça, effectivement, bah, ça, c'est une pression qui empêche de trop baisser les salaires. Une fois qu'on a levé les entraves qui permettront de faire baisser ses coûts, le capital pourra relocaliser et faire fonctionner cette solution des cycles circuits courts. Avec la baisse des subventions au secteur improductif qu'est l'État, organe de gestion, on va avoir une baisse de toutes les subventions qui sont donc bénéficiées à la population. Et donc, il envisage un peu comme un subterfuge pour cacher un peu cette baisse, la création enfin peut-être de ce salaire universel qui regrouperait tout, en fait toutes les aides ou qui permettrait d'annuler les aides. On pourrait annuler les aides médicales, sécurité sociale, mais filer 1000 euros par mois à tout le monde, 800 euros par mois à tout le monde. Mais voilà, évidemment la somme sera inférieure à la somme de toutes les aides dont bénéficie actuellement. Donc c'est là qu'on voit, qu'on comprend l'utilité d'un Bernard Friot actuellement. Pour ajouter qu'il y aura du coup avec cette relocalisation une fin de l'hégémonie américaine probable, mais bon, elle restera l'armée la plus puissante du monde, hein, et puis l'armée restera importante, donc il y aura sûrement certainement des traces, mais peut-être plus une reconfiguration autour de grands pôles, de grandes structures internationales, parce qu'au sein des pays même, on aura beaucoup de conflits. Les conflits régionaux qui existent actuellement entre les régions riches et les régions pauvres, ces connards de catalans, de bretons, de bavarois insupportables, qui croient défendre leur identité alors qu'ils défendent que leurs intérêts, enfin bref, ces têtes à claque insupportables de régionalistes, pousseront encore plus parce que leurs régions resteront plus attractives que le reste, le seront peut-être même plus relativement, et voilà. Et le capital aura moins de capacité de tenir tout un territoire assez large et assez vaste, et ça on le verra plus dans la partie sur la réponse du prolétariat. On verra que le prolétariat tirera parti de ça pour occuper certaines zones, les zones que délaissera le capital. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le lien avec Trump, le protectionnisme trumpien, c'est un prodrome, peut-être avant la crise de ça. On pense que c'est le début de la réaction des capitalistes américains pour protéger leur chasse gardée, c'est que le protectionnisme pour vocation... Ça va être pratiqué par tout le monde. Chaque zone de valeur va chercher à éviter de payer la dévalorisation des autres en instaurant des bannières douanières. Parce que dans cette pénurie de plus-value, il s'agira d'éviter de payer les pots cassés. On peut passer à la réaction de nous, notre avenir, à moins qu'on devienne capitaliste demain, qu'on tombe demain dans la rue sur 10 000 actions totales. On sera plutôt dans l'autre case, hein, dans le prolétariat, et donc on s'intéresse à l'activité de crise du prolétariat. Quelles seront les formes du prolétariat et l'organisation du prolétariat dans ce cas-là? Donc on a parlé de la crise du capital, c'est l'avenir. Plus proche. Un des autres intérêts de Nostarian, c'est la manière dont il pense l'activité de crise spécifique du prolétariat. Il y a un concept intéressant avec lequel on pourrait commencer, qui est celui d'irreproductibilité. On sait que le capital se reproduit par l'interaction dialectique du capital et du travail. À chaque cycle du capital, le prolétariat est reproduit comme sans réserve, comme force de travail devant retourner au marché du travail pour vivre. Et chaque cycle de production enrichit le capital d'un incrément de valeur qui lui permet de relancer un nouveau cycle de production. La crise se caractérise par le fait que cette interaction dialectique s'interrompt. Elle s'interrompt parce que, avec la baisse du taux de profit, le capital cherche à instaurer des conditions de travail toujours pires aux prolétaires. À un certain seuil qu'on ne peut jamais quantifier et qui varie dans l'espace et dans le temps, le prolétariat ne peut plus accepter les nouvelles conditions que la classe capitaliste cherche à lui faire, et il entre dans ce qu'Astarian appelle une situation d'irreproductibilité. Et dans cette situation, le prolétariat ne pouvant accepter ces nouvelles conditions, il se met donc en rupture vis-à-vis du capital, il refuse le travail et rentre en situation d'insurrectionnel. Le prolétariat est une classe qui est en permanence en lutte vis-à-vis du capital. Donc ça, c'est ce que Astarian appelle la quotidiennité de la lutte des classes. Donc bah, effectivement, c'est un peu le schéma marxiste de base, à savoir le capitaliste qui lui essaie d'extraire un maximum de plus-value, du coup bah, au détriment du salaire du prolétaire, là où bah, le prolétaire lui cherche à travailler le moins de temps possible et à avoir le plus de rémunération possible. Et donc, cette contradiction entre les deux classes fait que en permanence, il y a une quotidianité de la lutte de classe. Ça peut se faire par des grèves, ça peut se faire par des manifestations, mais ça se fait même aussi à l'intérieur de l'usine, avec le refus des certains prolos de trop s'user à la tâche, en refusant de faire certaines heures sup non payées demandées par le patron. C'est toutes ces choses-là. En cherchant à trouver les mains de petits moyens de tricher sur les cadences, sur les objectifs de production. Ce qui n'est pas le cas pour la classe moyenne qui, elle, rentre beaucoup moins en conflit. En tout cas, Astarian minimise la question de la quotidianité dans la lutte des classes du point de vue du dépassement du capitalisme. Contrairement aux autres marxismes, c'est pas l'exacerbation de cette tension travail-capital qui pousse à un dépassement du capitalisme. Au contraire, même si, enfin, c'est surtout le capital qui, dans sa situation de crise, pousse le prolétariat à une situation d'irreproductibilité du travail. Mais le prolétariat, massivement, enfin le capital est dans une incapacité à racheter la force de travail. Donc le prolétariat, de larges fractions du prolétariat, se soulève parce qu'ils sont dans une situation de survie. Donc c'est là que s'enclenchent des insurrections. Alors ça peut venir de la classe ouvrière, ça peut venir de, par exemple, ça, Astarian en parle plutôt bien, d'une défaillance, un démantèlement de l'appareil militaire, de l'armée. Une défaite militaire. Une défaite militaire, mais même une crise dans les institutions militaires qui fait que y a des vagues de désertion, il y a un corps d'armée qui ne fonctionne plus, et du coup, beaucoup de soldats se mettent à se mutiner. Ce qui s'est passé, oui, Kronstadt et Mutiny Red Kill. Exactement, Kronstadt. Comme de Paris. L'Irak en 91. En 91, il y a l'Irak qui se soulève, mais c'est principalement en Irak. Après, il y a eu la guerre du Golfe qui a opposé l'Iran et l'Irak. Les soulèvements, c'est des vagues de désertion, un État qui se casse la gueule, une armée qui ne fonctionne plus. Donc, toutes les institutions de répression, toute la fonction répressive de l'État est un peu au sol. Donc, dans les usines, ça se soulève. Il y a des alliances entre soldats et ouvriers. Ça se fait dans le nord, ça se fait dans le sud. L'ordre reviendra parce que les Occidentaux, la coalition, une fois que Saddam aura été vaincu, la coalition laissera faire Saddam pour qu'il remette de l'ordre dans le pays. Même d'un point de vue impérialiste, les choses reviennent dans l'ordre. La question des soldats, elle est aussi assez importante parce que Astarian dit qu'il ne peut pas y avoir d'insurrection victorieuse s'il n'y a pas... De défaite au moins partielle des forces de répression. Assez souvent, les insurrections peuvent se faire parce que l'État est en crise, l'armée est en crise. Ça a été également le cas pour l'insurrection prolétarienne qui, j'ai l'impression, est la plus récente qu'on connaisse, qui est celle de l'Albanie en 1997, où très clairement, on a un État qui ne fonctionne plus, une police qui refuse d'intervenir, qui se fout en grève. C'est des vagues de pillage, des vagues de prolétaires qui chopent des armes. Il y a d'autres... Ce qu'il faut dire, oui, c'est que à ce moment-là, quand l'insurrection se déclare, il y a une différence principale avec la quotidiennité des luttes qui, en fait, s'attaque principalement au rapport travail nécessaire sur travail. C'est le principal enjeu de ces luttes quotidiennes. Et quand on arrive à cet état d'irreproductibilité qui se traduit par une insurrection, là, le prolétariat entre en conflit en fait, avec les différents éléments qui font sa subordination au capital. C'est cela qu'il conteste. Astarian distingue trois moments dans cette subordination. Donc le moment du marché du travail, celui de la production proprement dite, et ensuite de la reproduction. Et dans tous ces moments, le prolétariat conteste la suprématie du capital. On peut là enchaîner sur ce qui différencie l'émeute d'une insurrection. Aujourd'hui, on est un peu dans un vide complet d'insurrection, il ne se passe pas grand-chose. Et on a un peu tendance à appeler révolution, insurrection, n'importe quoi. Parmi les critères qui distinguent vraiment une insurrection, c'est que le prolétariat va se mettre à saisir massivement du capital constant et des subsistances. Parce que quand il entre en situation d'irreproductibilité, donc il ne peut pas être en mesure de vendre sa force de travail pour toucher le salaire et donc acheter les subsistances qui reproduisent sa force de travail. Dans un premier temps, les insurgés saisissent la propriété capitaliste pour survivre tout simplement et organiser la lutte. Les nécessités de la lutte, oui, vont faire que ces saisies s'élargissent et il va y avoir des saisies de réserves stratégiques de l'État. On voit très clairement une rupture du prolétariat avec le capitalisme, et ce, de manière pas forcément consciente, pas forcément parce que le prolétariat a une conscience de classe ou une conscience historique de ses intérêts historiques, mais clairement là parce que le prolétariat est dans une situation d'irréproductibilité, donc il se saisit d'éléments du capital. Il cesse massivement le travail. Il fait en sorte que sa subsistance soit assurée. Donc évidemment, ça se fait par du pillage dans l'immédiat pour assurer la subsistance, que ce soit des pillages de denrées, tout comme ça peut être des pillages d'armes pour entrer en confrontation avec les forces de répression qui évidemment vont se mettre en branle. Pillage de logements, on pourrait dire, dans le sens où il va bien falloir occuper de nouveaux logements, et puis il n'y aura plus d'impératif de respecter à tout prix la propriété. Donc il y aura de la réquisition de logements. Il n'y aura plus de Airbnb, c'est quand même dramatique ce qui va arriver. Les Airbnb vont être réquisitionnés, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais après, oui, c'est exactement tout l'inverse, en fait, puisque c'est même plutôt un impératif de lutte qui va pousser à ces saisies d'éléments du capital. Et donc, on a parlé des moyens de subsistance, on a parlé de moyens de destruction, on a parlé du logement, mais il y a aussi toute la question de la logistique pour se déplacer, pour mettre en lien les différentes communes, les différents comités, les différentes juntes ou les différents conseils ou tous les noms qu'on peut trouver. Il y a ça, il y a les moyens de télécommunication, évidemment, pour organiser la lutte, organiser la vie. À cet égard aussi, Astarion précise contre certains mystiques de la barricade que l'insurrection n'est pas synonyme de dresser des barricades. C'était une pratique plus liée au 19e siècle, à la manière dont le prolétariat occupait l'espace. Il y avait des quartiers ouvriers, des lieux de production qui étaient encore indistincts des lieux d'habitation. Il dit que dans l'insurrection prolétarienne de la crise à venir, les barricades auront plutôt un rôle pour couper les logistiques de l'ennemi. Oui, j'ai pas trop compris ce point sur le rôle de la barricade au 19e siècle comme lien entre les lieux d'habitation, enfin lié aux lieux d'habitation et de production. Parce que la barricade... C'est-à-dire qu'il y a une identité d'un quartier ouvrier à défendre. Parce que le lieu d'habitation est confondu avec le lieu de production dans un quartier ouvrier. Donc à partir de là, oui, ça fait sens de dresser une barricade pour défendre l'identité ouvrière, et même pour s'affirmer dans la société. La barricade est un élément d'affirmation. Vous ne rentrerez pas chez nous comme ça, c'est chez nous, c'est à nous, oui. Etc. Vous nous refusez l'expression politique. Nous, on dresse des barricades pour montrer qu'on est là et qu'on existe. Qu'on voit apparaître des barricades dans la révolution de 1789 jusqu'à la commune de Paris, c'est y a un peu l'image des gens qui balancent des trucs par la fenêtre pour justement fabriquer des barricades, pour défendre le quartier, pour préserver notre identité de classe ouvrière. Ça peut se faire dans un contexte insurrectionnel, comme dans le cas de juin 1848 ou dans le cas de la commune de Paris, mais c'est la barricade représente surtout le côté... C'est plutôt un témoin d'une offensivité du prolétariat qui ne va pas au bout des choses. Quoi. C'est plutôt défensif pour le coup, en fait. Mais aussi le lien avec les moyens de production, c'est que ça permet, la barricade permet aux insurgés de garder un contrôle dans le rapport de force, parce qu'ils tiennent, entre guillemets, les lieux de production aussi, sans les dépasser, sans les... réquisitionner pleinement, mais ça pose beaucoup plus de problèmes au capital qui ne peut plus exploiter ses moyens de production pendant ce temps-là. Comparé aux barricades qu'on a, on a vu plusieurs fois des barricades, dernièrement même pour la loi retraite, il y avait des barricades, mais en fait le capital s'en fout un peu parce que bon, les gens font des barricades dans leur quartier. Oui, s'ils veulent rester cloîtrés dans leur quartier, on s'en fout quoi. Je sais pas ce que dit Astarion. Il dit que la raison pour laquelle le capital trouvait insupportable les barricades, par exemple en juin 48, c'était tout simplement parce qu'elles affirmaient l'identité ouvrière. C'est ça qui était intolérable. Peut-être pour démystifier un peu les illusions marxistes qui pourraient envisager la révolution comme effectivement la saisie de moyens de production dans le but de réorienter la production dans une économie planifiée. Astarion dément tout ça en disant que déjà d'une, on se saisira de moyens de production dans le but de résoudre la question de la subsistance et de l'affrontement au capital. Évidemment qu'il y aura beaucoup de moyens de production qui seront carrément détruits dans cette confrontation au capital, et aussi dans le fait que certains trucs ne servent strictement à rien, enfin seront tout simplement transformés pour servir à autre chose. Alors, ça ne veut pas non plus dire non plus que quand il y a des destructions de moyens de production, on est dans une insurrection. Moi, j'ai l'exemple. Parce que l'émeute le fait aussi. Oui, voilà, on a le cas des émeutes en Nouvelle-Calédonie qui ont été des émeutes où il y a eu beaucoup de pillages, beaucoup d'affrontements avec les forces de l'ordre. Et il y a eu énormément d'usines, de beaucoup de lieux de l'industrie du nickel qui ont été détruits. Mais on n'est pas vu de saisie de lieux, de saisie d'éléments du capital qui auraient pu permettre de créer un nouveau rapport social. La ligne de démarcation que Astarion dresse pour distinguer vraiment l'insurrection de l'émeute, c'est que dans les émeutes, on peut avoir des saisies de moyens de consommation surtout, mais il n'y a vraiment jamais de saisie de moyens de production. Et donc de ce fait, les émeutiers n'arrivent pas à créer un nouveau rapport social. Après l'émeute, ils se dispersent, ils rentrent chez eux après avoir tout cassé, et ça s'arrête là. Et aujourd'hui, on est principalement, depuis une trentaine d'années, sur des phénomènes émeutiers que sur des phénomènes insurrectionnels dans nos contrées, en tout cas. Dans nos contrées et partout sur la Terre. Mmh. Et ce, même dans les endroits, dans des émeutes de très très très haute intensité. Je pense au Bangladesh, où on est carrément rentré dans les maisons des dirigeants, on les a fait dégager, le régime s'est effondré. Même dans ces cas-là, en fait, on a attaqué des lieux de pouvoir. Il y a eu des pillages massifs, des arrêts de travail massifs, mais il n'y a pas eu du tout de processus de communisation. Après, peut-être qu'il y a un truc à explorer sur est-ce que à des niveaux locaux, il y a eu des initiatives ci et là, mais en tout cas, c'est très clairement en tant que mouvement d'ensemble, même si un régime peut s'effondrer, on est toujours dans le cadre d'une émeute. Après, t'as parlé de communisation, mais l'insurrection non plus ne débouche pas forcément sur une communisation. En fait, ça dépend surtout de sa durée. Parce que si les forces de répression sont suffisamment rapides pour écraser l'insurrection, on n'arrive pas au point où il y a un début de communisation. C'est quand l'insurrection dure suffisamment dans le temps pour que les saisies de capital deviennent insuffisantes, le prolétariat doit se remettre à produire par lui-même pour continuer la lutte. C'est à partir de ce moment-là que le prolétariat institue un rapport social différent et va commencer donc à communiser. Moi, je parlais de communisation au sens de remise en cause de la propriété privée, et ça, tu le vois même pendant l'insurrection, beaucoup plus de choses sont soit mises en commun, soit mises à disposition. Il y a un peu une remise en cause complète de la propriété privée en tant que telle. C'est en ça que je parlais de communisation. Après, effectivement, on pourra parler de la période post-insurrectionnelle, qui est la période de la révolution, c'est-à-dire le moment où les pillages ne suffisent plus et il faut une reprise de la production. La remise en question de la propriété privée, c'est déjà le cas dans l'émeute. L'autoréduction de la saisie des biens de consommation, déjà une remise en question de la propriété privée. Oui, mais pas de la propriété privée des moyens de production. C'est la principale différence. Il n'y a pas du tout de nécessité logique qui mène de l'émeute à l'insurrection. Ça, Astarion en parle, il dit que, alors certes il y a eu des cas d'insurrection qui sont nés du fait que le prolétariat, dans des objectifs de lutte réformiste, s'est retrouvé en fait à simplement à ne pas être écouté, à n'avoir strictement rien. Qu'il appelle l'expérience de l'isolement du prolétariat. Le prolétariat doit avoir été repoussé, déçu de nombreuses fois dans ses tentatives de faire valoir ses droits avant d'entrer en insurrection. Quand il parle de l'expérience d'isolement du prolétariat, que Raldastarianiste, c'est le moment où le prolétariat rentre en insurrection et où il se rend compte que l'État ne va jamais, ne va pas du tout lui apporter de réponse et il se retrouve complètement isolé. Il se rend compte qu'il n'a plus du tout accès, que l'hôpital s'oppose fermement à ses demandes et qu'il se retrouve dans l'isolement total de l'hôpital lui ferme toutes les portes, quoi. Je pense que c'est l'inverse, c'est justement parce qu'il fait l'expérience de l'isolement face au capital que le prolétariat, en fait, est seul et obligé de se débrouiller par lui-même. C'est pour ça qu'il devient insurrectionnel. Après, ce que dit Astarion, c'est... Il peut faire cette expérience d'isolement, de solitude, dans le cadre de luttes réformistes infructueuses. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ça a été le cas, par exemple, pour les émeutes de juin 1848. Mais dans beaucoup de cas, en fait, une insurrection peut partir d'une génération qui n'a jamais fait de mouvement social réformiste et qui se soulève parce que la tension est telle qu'il fait déjà l'expérience de la solitude avant même d'avoir enclenché de quelconque lutte réformiste. C'était le cas notamment dans les soulèvements de soldats. Ce qui me fait dire aussi ce que je disais là, c'est qu'Astarian évoque à un moment une radicalisation dans l'émeute. Il parle de ces luttes, de ces émeutes en Angleterre dans les années 2010 qui se sont passées à un petit seuil dans le sens où auparavant les émeutes étaient, en tout cas en Angleterre a priori, étaient concentrées sur l'appropriation de biens de consommation, dans les supermarchés notamment. Mais que là en plus il y avait une dimension de pillage pauvre-riche en fait. Les émeutiers, pauvres évidemment, allaient dans les quartiers riches, cambrioler des maisons et puis s'appropriaient ça. Donc, il y avait un début d'aspect lutte de classe. Oui, ça, on l'a aussi vu dans les émeutes récentes en 2023 en France. Plein de jeunes issus de l'immigration qui viennent piller dans les quartiers riches, là où en 2005, on n'avait pas du tout ça. C'était un truc qui était très confiné au quartier. Mais après, ils pillaient aussi dans les appartements ou dans les magasins des quartiers riches. Oui, c'était les magasins. Surtout. Est-ce que là, en l'occurrence, c'était les appartements et les magasins. Non, par contre, à un moment, là où je trouve le truc émeute, insurrection est un peu ambigu, c'est quand Astarian parle des émeutes de Los Angeles de 92. Et où là, il y a des saisies de bâtiments et où on sent qu'il y a des pratiques émeutières qui se rapprochent de pratiques qui amènent à des saisies, de légères saisies de moyens de production. Cette émeute, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai l'impression qu'elle a été un peu soudaine. Bon, après, il y a souvent des émeutes, mais disons que là, c'était un truc très généralisé et qui venait de plein de gens qui n'avaient pas forcément été d'emblée dans plusieurs luttes revendicatives, qu'elles soient syndicales ou qu'elles soient purement émeutières. Et donc après, il faudrait qu'on parle du rapport social qui se crée dans l'insurrection. Astarian apporte un concept intéressant pour bien montrer que le rapport social qui sera celui de la société communiste marque bien un pas dans l'abolition de la valeur. Le rapport social que les insurgés créent entre eux aboutit en fait à ce qu'il appelle une dévaloration des objets. En pratiquant ces saisies d'éléments du capital, les insurgés les emploient à un usage qui est complètement étranger à leur destination première. Tout ce qui est produit sous le capital a une utilité déterminée dans la reproduction du capital, dans la reproduction de la valeur. Les insurgés ont créé des usages possibles qui sont absolument étrangers à tout impératif de valorisation. Et dans ce processus-là, les objets qualitativement sont dévalorés. La quantité de capital qui est inscrit en eux n'est pas seulement supprimée, mais qualitativement, ils cessent d'être des objets dotés d'une forme valeur. Comme exemple, ça peut être simplement des automobiles qui servent à dresser des barricades. Ou ça peut être des bus qui ne servent pas à aller sur le lieu de travail. D'un seul coup, oui, tout devient possible. On peut faire tout avec n'importe quoi. Une créativité infinie qui se déploie, qui n'est absolument pas dirigée vers la valorisation. Et c'est dans ce rapport social nouveau qui est créé par les insurgés que peut s'apercevoir ce que sera la production communiste. J'ai quelques points aussi à rajouter sur la question du rapport social inter-individuel que représente l'insurrection. C'est que tout le monde se rencontre. C'est ça, en fait. Dans les lieux changent de fonction aussi. Ouais. Dans l'impératif de la lutte, on n'est plus dans la gestion par catégorie, par secteur de population, de secteur géographique, etc., comme le veut la rationalisation capitaliste. Dans l'insurrection, ce qui se passe, c'est que dans cet affrontement qui a lieu avec le capital, et dans l'urgence même de cet affrontement, l'individu insurgé est amené en fait à son inventivité, en fait, sa subjectivité, est quelque chose qui est nécessaire, voire vital. Il y a un peu une favorisation de l'initiative de tous les individus, tout le monde participe, et les personnes ne sont plus perçues en tant que catégorie, mais en tant que individu à proprement parler. C'est pour ça que c'est aussi un climat de camaraderie assez forte, une fraternisation qui laisse pas les gens indemnes. C'est ce qui pose un peu la base d'un nouveau mode de production futur qui serait beaucoup plus humain, beaucoup moins dégueu que celui des modes de production antérieurs allant des chasseurs-cueilleurs primitifs jusqu'au capitalisme le plus moderne. Cette insurrection, c'est un arrêt massif du travail. Les prolétaires cessent massivement le travail, entrent en confrontation avec le capital. Plus la lutte dure, plus le prolétariat en fait ne peut pas juste se contenter des pillages qui ont lieu. Il y a un moment donné où se pose la question d'une communisation réelle, d'une reprise de la production, et c'est là que commence une période dite révolutionnaire. Dans cette période révolutionnaire, évidemment, c'est pas quelque chose qui se fait de manière parfaitement coordonnée, sans conflit, au sein même des différentes fractions de prolétaires qui se sont organisées. Évidemment, tout le monde participe, il y a des assemblées, il y a plein de manières différentes d'envisager la production. Starian distingue un débat entre les tentatives autogestionnaires de cette reprise de la production et celle qui correspondent plus à la production bricolée, comme on avait évoqué précédemment, et qui, elle, du coup, ne peut pas, prend pas les usines telles quelles, mais entame des processus de transformation de la production. À cet égard, ce qui est intéressant, c'est qu'Astarian, il faut bien savoir que dans les insurrections à venir, le mythe autogestionnaire va s'effondrer lui-même, et parce que les prolétaires n'auront tout simplement pas les moyens de reprendre la production sous une forme d'autogestion. D'une part parce que la composition organique du capital actuel est telle que le capital constant domine absolument le capital variable et donc que ça suppose des compétences techniques et scientifiques abouties, que les prolétaires étant absolument déqualifiés n'ont pas. Et bien entendu, ceux qui les ont seront plutôt du côté du capital, les ingénieurs. Donc déjà, ils n'auront pas les moyens techniques pour faire reprendre la production. Et aussi, d'autre part, c'est un autre aspect de cette composition organique élevée du capital, c'est que la production s'inscrit dans des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont très complexes et que les prolétaires non plus ne maîtrisent pas. Donc dans ces conditions, toute autogestion sera impossible et les prolétaires devront reprendre la production autrement et ils ne pourront le faire uniquement que sous la forme du bricolage. On retrouve dans la question du bricolage la question de la conscience qui vient d'être dans le capitalisme. L'objet a tout de suite une valeur spécifique, une valeur qui se traduit par un prix, par une fonction de base. On achète un ordinateur pas pour en faire un cerf-volant, on n'achète pas, pour reprendre l'exemple évoqué, on n'achète pas une bagnole pour en faire une barricade. Dans l'insurrection, la valeur n'a plus d'intérêt en fait pour les insurgés, où il y a cette dévaloration. Chaque objet va être investi par la conscience de l'insurgé. Et donc, c'est lui qui va décider de quoi en faire. Donc, une autonomie du sujet qui apparaît d'un coup, qui le rend responsable et actif. Mais même dans l'autogestion, il y a des tentatives. On a beaucoup d'exemples, en fait, dans le cas de l'insurrection espagnole en 36, où il y aura beaucoup de tentatives autogestionnaires de reprise des usines. Il y aura également ça dans les Chouras en Iran en 79, où on tentera de remettre en marche les usines sous une forme autogestionnaire. Et donc sous une forme avec tous les impératifs de productivité que ça impose. Ces choses-là déjà peuvent se faire parce que l'Iran et l'Espagne étaient plutôt assez archaïques capitalistiquement. Ce qui nous par exemple à notre époque, reprendre une usine de pneus, c'est tout bonnement impossible parce qu'on est dans des flux logistiques gigantesques, dans des machines qui demandent une discipline au travail insupportables, qui ne peuvent même pas être gérés du fait qu'il y a une telle qualification du prolétariat qu'il n'a pas le savoir scientifique pour gérer tout ça. C'est-à-dire que les centrales nucléaires vont exploser d'elles-mêmes. Mais voilà, en tout cas, ce que montre également l'exemple de ces deux révolutions, donc en Iran et en Espagne, c'est que ces tentatives d'autogestion n'ont pas duré très longtemps, même si on a tenté de les faire et que le capitalisme était suffisamment arriéré pour qu'il n'y ait pas un besoin de savoir scientifique très poussé, ou une production qui reste relativement gérable localement. C'était possible, mais le fait qu'on soit obligé, enfin que une usine est faite en fait pour créer de la marchandise, pour valoriser un capital, dans un cadre insurrectionnel, ce truc est tout bonnement impossible à long terme. Donc c'est même pas parce que le prolétariat se dira autogérer la merde marchande c'est de la merde, il arrêtera d'autogérer la merde marchande parce que tout bonnement c'est impossible dans un cadre insurrectionnel. Donc c'est pas forcément une question de conscience, mais une question d'impossibilité matérielle. Astarian dit bien même que si ça se trouve, la révolution, elle se fera même sans qu'on parle de communisme ou de capitalisme. Pour Astarion, la révolution se fait d'elle-même. La conscience politique ne sert à rien. On sort complètement des restes de léninisme qui peuvent encore être présents. C'est pas que le léninisme, c'est tout le marxisme. Tout le marxisme parle de conscience de classe. Conscience de classe qui est la conscience nécessaire pour faire advenir la révolution, quoi. Quelle est la position de Marx lui-même là-dessus? Il faut que le prolétariat ait conscience de ses intérêts pour déclencher la révolution. Pour Marx, il y a la classe en soi, et la classe pour soi, la classe en soi, c'est justement le prolétariat qui n'est pas conscient de ses intérêts historiques. La classe pour soi, c'est le moment où il devient conscient de ses intérêts historiques, qu'il s'est organisé dans des organisations ouvrières, dans des organisations révolutionnaires, et qui peut mettre à bien la révolution si c'est bien dirigé. Enfin, après, il parle pas de direction, mais bon, on sent que ça tend vers là, même chez Marx. Bon, ce que dit Astarion, c'est que dans les décennies à venir, malgré la crise qui va continuer à s'approfondir, on va pas en arriver immédiatement à ces formes insurrectionnelles, mais on va plutôt avoir des combinaisons différentes avec des formes de lutte interclassistes, qui seront aussi liées à la manière dont le capital va chercher à gérer sa crise. Le prolétariat pourra être encarté par différentes factions du capital, du côté de celles qui chercheront une modernisation par la relance des investissements, ne serait-ce parce que ces capitalistes-là auront l'argument de lutter contre la vie chère, par exemple, de relocaliser des emplois, ou il y aura tout un tas de formes de luttes réformistes. Ce seront les gentils capitalistes, ceux qui veulent que ça marche, qui veulent s'occuper des gens, redonner du travail aux gens, en fait. Peut-être on peut faire une définition des différentes classes. Oui, parce qu'un autre des apports cardinaux d'Astarion, c'est d'avoir conceptualisé les classes moyennes et non plus ces couches dont la théorie marxiste ne savait trop que faire, dire qu'elles n'avaient pas une existence de classe spécifique. L'orthodoxie marxiste n'a pas eu envie d'explorer l'importance des conflits sexuels et de l'importance de la vie sexuelle dans la vie psychique dans les années 30, comme on l'a vu avec Reich. Elle n'a pas voulu non plus se pencher sur l'existence de la classe moyenne, un peu embarrassante pour elle, parce que déjà on sort de l'orthodoxie. Les professionnels de la politique, de la micropolitique, etc., étaient embêtés, et en plus, ça concernait un peu leur propre existence. Donc, autrefois, on parlait de petite bourgeoisie, pour parler un peu des couches intermédiaires qu'on ne savait pas trop comment décrire. En tout cas, à l'époque de Marx, je ne crois pas qu'on puisse parler à propos de classe moyenne, puisque c'est vraiment quelque chose qui va se développer. Ça existait bien sûr, mais c'était pas assez massif pour qu'on puisse. Oui, voilà, pour qu'on puisse en parler comme une classe. Quoi. Ouais. Ça peut, Il y a toujours des contre-maîtres, bien sûr, dès l'époque de Marx. Mais ils peuvent pas s'organiser en tant que classe, ils sont encore très minoritaires. Et alors, c'est une théorie qui va arriver la domination réelle, en fait. La classe moyenne arrive avec la domination réelle. C'est-à-dire dans un moment où il y a un besoin de rationalisation et d'encadrement du processus productif qui est gigantesque. La simplification du travail du prolétaire pour qu'il soit exploité jusqu'au maximum va faire qu'il y aura une division entre le travail de plus en plus simplifié et son encadrement et sa rationalisation qui va faire naître cette classe moyenne et qui n'a pas les mêmes intérêts que le prolétariat, même si on va le voir, elle peut par moments s'allier avec lui. Et concrètement, l'enjeu de cet encadrement, c'est de faire en sorte que le prolétariat, dans cette guerre de la productivité constante que mènent les capitalistes pour imposer leurs produits sur le marché, le cadre va être celui qui va faire respecter la cadence, faire en sorte que les produits soient bien produits au moins à la productivité sociale moyenne. Vite fait, pour distinguer un peu les trois classes, donc Astarion définit le prolétariat comme la classe des sans-réserve. Ceux qui, une fois qu'ils se sont reproduits grâce à l'achat des subsistances par leur salaire, ne possèdent plus que leur force de travail pour boucler la boucle. Ils ne peuvent pas constituer d'épargne, ils ne peuvent pas constituer de patrimoine. En tout cas, voilà, Astarion a clairement une lecture des classes qui est surtout économiciste, dans le sens que c'est par les questions de salaire sur salaire qu'on se définit dans le rapport de production et dans le rapport d'exploitation. Et du coup, c'est là qu'arrive la classe moyenne qui travaille comme le prolétaire, mais elle ne sera pas payée à la hauteur de sa force de travail. Elle touchera un sursalaire qui est, Astarian dit, la prime de chien de garde, celle qui fait que la classe moyenne, hiérarchiquement, elle est au-dessus du prolétariat, et pour que sa fonction d'encadrement soit menée à bien, elle doit avoir une sorte de prime d'allégeance qui la rattache aux intérêts du capital. C'est une double prime, en fait. C'est à la fois une prime d'allégeance à la classe capitaliste, donc pour fidéliser la classe moyenne, mais c'est aussi une prime de... qui lui donne le droit de subordonner le prolétariat en tant que contremaître. Et concrètement, bah, ce sursalaire d'où il sort, c'est tout simplement une partie du profit qui est partagée par la classe capitaliste à la classe moyenne et qui est puisée dans le stock de plus-value sociale produit par le prolétariat. Donc là, il y a tout un tas de gradations ensuite. Hein, selon la quantité de sursalaire que la classe moyenne touche, elle peut être supérieure, inférieure ou être une classe moyenne. Oui, et puis après, il fait beaucoup de distinctions, notamment dans la classe moyenne inférieure, dont va beaucoup parler Astarian, puisque dans beaucoup de luttes, par exemple, les soignants ou les profs sont très très très actifs et peuvent même souvent s'allier au prolétariat. Astarian les met dans la classe moyenne. Enfin, c'est un encadrement du travail qui est vraiment à nuancer. Oui, il y a une différence entre la classe moyenne qui est dans le secteur public et secteur privé principalement. Mais même là, dans le cas des profs par exemple, on n'a pas vraiment un encadrement du travail. On encadre des élèves, mais on n'encadre pas le travail. Il y a le fait qu'en plus, en France, le prof se prolétarise de plus en plus, même s'il reste encore de la classe moyenne. Puis dans le cas de l'infirmier, alors certes, il peut y avoir des infirmiers qui cadrent, pas toujours, mais là où Astarian dit que ce sont des personnes qui sont dans la classe moyenne, c'est un peu comme l'étudiant fait partie de la classe moyenne, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont des possibilités d'ascension sociale considérables, qui ont des diplômes, qui font que même eux, consciemment, ils savent qu'ils ne sont pas destinés à finir dans les rangs du prolétariat. C'est tout le côté du capital symbolique que tu évoquais, c'est ces profs qui sont de plus en plus dans la merde, en fait, financièrement, aux infirmiers. Infirmiers, peut-être un peu moins le cas, mais ont un capital culturel qui leur permet possiblement d'échapper à ça en se convertissant vers d'autres branches. À titre personnel, j'en ai encore rencontré récemment dans des journées de formation de profs qui quittent ce type, comme voilà, ils ont un capital symbolique qui leur permettra d'avoir des boulots d'employés dans diverses boîtes ou de fonctionnaires à la mairie, etc. Donc là, on a un aspect opérant du capital culturel. Pour rebondir aussi sur cette histoire de capital culturel, il y a le cas de ce qu'on appelle l'aristocratie ouvrière, une partie de la classe ouvrière qui a encore un travail qualifié. Et donc ça peut être par exemple les dockers, ça peut être dans les raffineries, ça peut être à la SNCF. Pour les dockers, c'est pas tant une question de qualification supérieure de leur travail, mais de configuration particulière du secteur qui fait qu'ils peuvent mettre en place un close shop, hein. Mettre des barrières au capital sur l'embauche de travailleurs. Ils ont un argument massu qui est de pouvoir se soulever quand ils veulent pour provoquer des blocages qui sont particulièrement impactants sur le capital. Comme ils ont ces arguments massus, ils peuvent s'en servir pour négocier à la hausse la valeur de leur force de travail. Et donc la différence principale qu'Astarian dresse entre l'aristocratie ouvrière et la classe moyenne, c'est que malgré le fait que cette aristocratie ouvrière touche des salaires qui peuvent paraître mirobolants pour des prolétaires d'autres secteurs, ils sont quand même des prolétaires et pas juste des classes moyennes. C'est pas donc une question de quantité du salaire, mais vraiment une question qualitative, dans le sens où ils ne touchent pas de sursalaire. Ce que les dockers touchent, c'est uniquement leur salaire. C'est juste qu'ils ont, par des conditions spécifiques, ils sont capables de le négocier à la hausse. Ils n'ont pas de prime d'encadrement, ils n'ont pas de fonction d'encadrement dans leur travail. Et du coup, bah, je pense qu'on peut finir sur qu'est-ce que la classe capitaliste ? Parce que pareil, c'est une classe qui est quand même assez large. Astarian l'a décrit comme la classe de la propriété. Propriété des moyens de production, propriété de capital. Il met dedans également les politiciens. Il met également dedans les gestionnaires de fonds. Bref, c'est ceux qui sont au sommet de la pyramide et c'est eux qui, en quelque sorte, guident les flux d'investissement du capital. Je veux dire, c'est des gens dont le revenu est composé du profit issu de la plus-value sociale ponctionnée sur le prolétariat. Ouais. Et ce, intégralement, contrairement à la classe moyenne, Astarian parle de la classe du non-travail. Même s'ils font de la gestion, de l'administratif, etc., ils ne produisent strictement aucune valeur, ils n'ont pas de salaire, ils ont un revenu qui est intégralement le fruit du profit. À ce moment-là, on ne pourrait pas dire que c'est plutôt le fruit du travail improductif ? Non, parce qu'en fait, leur travail est un non-travail. C'est le concept que dresse Astarian. Il faut distinguer en fait le travail de simple direction du travail. C'est des capitalistes, en effet, ben, qui vont dans leur bureau. Un directeur d'usine, il est sur son lieu de travail tous les jours. Ça ne veut pas dire que ce qu'il touche comme salaire est lié à son travail. Ce qu'il touche, c'est le profit. C'est pour ça que dans ces milieux-là, on peut avoir des salaires hallucinants. Hallucinants, même si c'est quand même relativisé par Astarian. Le capitaliste, contrairement à l'aristocrate de l'Ancien Régime, il va pas dilapider toute sa fortune dans des jouissances. Le capitaliste, la morale qui lui correspond plus, c'est la morale calviniste, à savoir l'immense partie du profit qu'il dégage, c'est de l'argent qui va être réinvesti, et son revenu, ça va être une infime partie de tous ses investissements capitalistes. Ce qu'on peut dire aussi sur la classe moyenne, c'est que son sursalaire lui sert principalement à surconsommer. C'est pour ça que la société de consommation est quelque chose leur est destiné. Voilà, c'est quelque chose qui ne concerne que la classe moyenne. C'est là aussi, Astarian fait une distinction intéressante entre la consommation de luxe et la consommation de la classe moyenne, qui est surconsommation en fait. C'est que la classe moyenne ne va pas forcément accéder à la consommation de luxe, dans le sens où elle consomme les mêmes marchandises que les prolétaires, mais dans une gamme différente, une gamme plus élevée. Donc, ce qu'il dit, c'est que les classes moyennes peuvent avoir des logements plus grands, mieux situés, partir en vacances plus loin, s'acheter une voiture... Les prolétaires ne partent pas en vacances, cher ami. Et les congés payés. Hein. Mais c'est vrai qu'ils voyagent de moins en moins. De moins en moins, oui. Voire pas du tout. Voilà, c'était juste pour dire que la classe moyenne surconsomme, mais ne vit pas dans le luxe. Alors Astarian assouplit un peu la définition du panier de subsistance, qui peut être vu de l'extérieur comme quelque chose d'un peu froid, juste ce qu'il y a pour manger, la bouffe, le logement, etc. Le panier de subsistance, c'est tout ce dont le prolétaire a besoin pour reconstituer sa... Astarian dit c'est tout ce qu'il consomme, en fait. Même, même la clope, même le divertissement, même la drogue, ça va là-dedans. Ce dont il a besoin pour tenir. Donc, et les anxiolytiques, qui sont une drogue légale. Alors, par rapport à ce qu'il dit sur le fait que, justement, on avait ce petit désaccord sur les vacances. Est-ce que les vacances font partie du panier de subsistance du prolétaire? Ou bien est-ce que, parce que si c'est vrai que... Si on pense aux congés payés liés au compromis fordiste en France. Bien sûr que les vacances font partie du panier de subsistance des prolétaires. Et c'est pas pour rien que les congés payés ont été mis en place. C'est parce qu'avec la taylorisation, la fordisation des usines, le travail devient de plus en plus pénible, insupportable. Et ça suppose une récréation bien plus importante, une oxygénation mentale du prolétaire pour qu'il puisse retourner à bosser dans des cadences infernales. Et c'est pour ça que les loisirs ont été vraiment mis en avant à partir des années 50-60, comme une partie essentielle de la reproduction du prolétariat. On passe au point suivant. Ouais, donc il nous faut parler aussi du comportement spécifique de la classe moyenne dans les luttes, liées à sa position de classe. Évidemment, comme les classes moyennes vivent de leur salaire, mais aussi du profit, elles ont un intérêt qui double. Donc certes, elles peuvent être aussi pressurisées sur le lieu de travail pour faire leur boulot plus efficacement. Elles peuvent être sujettes aux crises du capital dans la mesure où quand le stock de plus-value sociale diminue, forcément leur sursalaire est amené à se rétrécir. Elles peuvent entrer avoir des revendications salariales tout comme les prolétaires. Comme elles touchent aussi ce sursalaire qui est ici du profit social, leur intérêt, c'est aussi que le cycle de production du capital se déroule bien et que ce stock de plus-value disponible s'accroît. Pour elles, c'est tout bénéfice. Ça signifie, in fine, un accroissement de leur sursalaire. Donc ça va mener à un positionnement ambigu dans les luttes qui peut les amener à la fois à se joindre au prolétariat dans des revendications salariales, mais d'un autre côté, à revendiquer une meilleure exploitation du travail. Alors Astarian relativise quand même cette alliance sur la question du salariat. Alors c'est vrai que la plupart assez souvent, les luttes prolétariennes se caractérisent par une demande de hausse de salaire, un pouvoir d'achat supérieur, des conditions de travail moins rudes, etc. Les revendications de la classe moyenne peuvent beaucoup plus s'axer sur des questions d'ordre politique, et là où elle peut faire, et elle fait en fait quasiment tout le temps jonction dans notre époque avec le prolétariat, c'est sur la question de l'État, et notamment sur la question de le dysfonctionnement de l'État. Et elle peut s'allier sur des revendications qui voudraient en fait un meilleur État qui ferait un meilleur job d'encadrement. En Occident, c'est par exemple toutes les mesures de démantèlement de l'État-providence. Là, la classe moyenne est très active sur ces sujets-là. C'est, on l'a vu dans les retraites, loi travail. Après, ça peut également se faire sur d'autres sujets. On l'a vu sur le dit printemps tunisien, où il y a eu des alliances sur la question du logement. Cette alliance qui se fait avec le prolétariat, faut aussi se mettre dans la tête que la classe moyenne qui lutte toute seule, elle ne fout pas trop les pétoches à la classe dominante. Elle fait même un petit peu pitié. C'est très rare de voir une lutte de la classe moyenne qui a abouti. Les améliorations des conditions de vie que va avoir la classe moyenne, elle se fait surtout parce que le capital est prospère et que le capital sent qu'elle en a besoin. Mais si la classe moyenne est en voie de déclassement, le capital n'en a rien à foutre et elle en a d'autant plus rien à foutre qu'elle ne peut pas assumer le rapport de force sans faire appel à ce prolétariat. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une classe moyenne qui se veut très de gauche, qui se veut très populiste, mais qui, au moment où la classe moyenne a eu ce qu'elle voulait, elle lâchera le prolétariat parce que c'est dans l'intérêt de la classe moyenne que le prolétariat travaille, qu'il produise de la plus-value, puisque la plus-value sociale est la source du sursalaire de cette classe moyenne. De déclassement, le capital n'en a rien à foutre et elle en a d'autant plus rien à foutre qu'elle ne peut pas assumer le rapport de force sans faire appel à ce prolétariat. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une classe moyenne qui se veut très de gauche, qui se veut très populiste, mais qui, au moment où la classe moyenne a eu ce qu'elle voulait, elle lâchera le prolétariat parce que c'est dans l'intérêt de la classe moyenne que le prolétariat travaille, qu'il produise de la plus-value, puisque la plus-value sociale est la source du sursalaire de cette classe moyenne. Donc cette ambiguïté de son attitude dans les luttes et le fait que la classe moyenne ne puisse pas accéder à ses revendications sans l'aide du prolétariat, ça fait toutes les limites de son existence de classe. Astarian donc, lui attribue un positionnement spécifique qui, de par son revenu, l'a fait pleinement exister en tant que classe. Sur le plan des luttes, on note que la classe moyenne n'a pas de destinée historique. Ce qui meut l'histoire, c'est pas les luttes des classes moyennes, c'est vraiment la lutte des classes entre le prolétariat, la classe du travail et le capital, détenteur des moyens de production. C'est uniquement cet antagonisme qui fait avancer l'histoire. Les classes moyennes sont qu'une troisième roue du carrosse, une roue auxiliaire. Et Astarian va même sur cette question de le prolétariat dans sa lutte fait avancer l'histoire, va rendre les choses assez concrètes dans le fait que le prolétariat fait avancer l'histoire dans le sens que c'est le prolétariat qui pousse le capitalisme à se moderniser. C'est dans sa lutte contre le capital que le prolétariat pousse le capitalisme à employer des machines et de moins en moins d'humains. Tandis que la résistance des classes moyennes ne pousse absolument pas à une quelconque modernisation. Pour essayer de faire court, pour un capitaliste, la forme la plus enviable d'exploitation, d'extraction de la plus-value, c'est par la plus-value absolue. C'est-à-dire, en gros, la pressurisation du prolétaire, l'augmentation de la journée de travail, parce que toutes ces formes d'exploitation qui sont liées à la plus-value absolue ne demandent aucun besoin d'investissement de la part du capitaliste. Mais c'est précisément parce que le prolétaire ne se laisse pas faire qu'il entre en lutte que le capitaliste va chercher à se moderniser, à extraire de la plus-value sous une forme relative, c'est-à-dire par l'investissement dans des machines, par une productivisation du travail par les machines. Déjà pour une question de valorisation assez simple, c'est-à-dire que il va produire des marchandises moins chères, donc il va être plus compétitif sur le marché, mais également parce que la machine a une fonction de discipline du travail. Elle soumet le travail du prolétaire à son rythme. Et puis après, on peut même faire carrément des liens avec la numérisation de la police, la surveillance du processus du travail et tous les appareils de contrôle qui se développent aussi bien dans les entreprises que dans les espaces publics à l'extérieur. Comment la classe moyenne va évoluer dans la crise ? On peut parler de formes de lutte qui sont typiquement liées à la classe moyenne. Il y en a beaucoup. Donc Astarian étudie beaucoup dans les ménages à trois de la lutte des classes. Il y a quelque chose qui revient le plus souvent, c'est des mouvements d'occupation de place, occupation statique, qui durent dans le temps, et qui s'accompagnent pas de saisie de capital, parce que la classe moyenne ayant des réserves, elle peut se permettre d'occuper ces lieux, d'y végéter un petit peu, et de... dans le but d'interpeller en fait l'État sur les devoirs qu'il a fait envers cette classe qui cherche à restaurer sa respectabilité. En France, on peut penser à Nuit Debout, en Égypte à la place Tahrir. Le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, les indignés en Espagne. Le mouvement des tentes en Israël. Tout ce qui est de l'ordre du sit-in, c'est la même chose aussi. Et ça se passe jamais sur des lieux de production, c'est toujours des places de centre-ville. À l'exception des luttes écolo. Parle-nous-en alors. XR en France. Bon, XR n'est pas que en France, mais je connais que en France, où ça peut être, oui, des occupations. Que dire des ZAD alors ? C'est une forme de lutte de classe moyenne aussi. C'est un sujet qui est intéressant. J'ai l'impression que clairement Astarian, lui, va mettre tout ce qui est ultra-gauche actuel dans le panier de mouvements issus de la classe moyenne. Pour lui, clairement, tout ce qui est l'appellisme, tout ce qui est comité invisible, il dit clairement que c'est juste une forme un peu plus punchy de lutte de la classe moyenne. C'est en gros, ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que c'est des petits gamins qui ont l'héritage de leurs parents et qui du coup peuvent se permettre une radicalité dans un climat policier qui restait quand même assez soft en France, même si évidemment il y avait des violences. Ça avait rien à voir avec d'autres pays où si tu luttes, tu vas faire ça en Thaïlande. Également, le mouvement squat s'est un peu identifié à l'ultra-gauche, à l'extrême-gauche. Enfin, il n'y aurait pas de squat s'il n'y avait pas des sans-réserve qui poussaient à l'ouverture de ces squats. Et même si, effectivement, il y a toujours quelques personnes issues de la classe moyenne qui tentent de prendre le pouvoir en interne, de faire valoir leurs idéologies et d'exclure leurs ennemis politiques. Et voilà, à débattre. De même que Astarian dit qu'il ne peut pas y avoir d'anti-travail dans la classe moyenne. Quand, par exemple, en France, on a eu la loi travail, pour Astarian, très clairement, les slogans du cortège de tête qui pouvaient afficher « ni loi, ni travail », pour Astarian, ce n'est pas du tout une remise en cause du travail, ce n'est pas une remise en cause de la loi, c'est juste une sorte de supplément d'âme plus radical d'un mouvement de la classe moyenne qui n'était pas du tout anti-travail et anti-loi. Est-ce que la classe moyenne peut aller tout péter sur son lieu de travail ? Elle peut casser dans la rue, mais dans son entreprise ? Là où je pense que Astarian a tort, c'est qu'elle peut être devenir anti-travail dans le sens où elle cherche à fuir le salariat, elle va vivre du parasitisme et de la chour. Enfin, il y a des gens qui sont issus de la classe moyenne, qui vivent dans des squats, qui affichent très clairement une revendication anti-travail, mais effectivement, et on n'a pas vu de classe moyenne, même anti-travail dans ce cadre-là, aller défoncer des lieux de travail de manière directe. Oui, c'est toute l'ambiguïté quand tu donnes cet exemple du cortège de tête qui dit ni loi ni travail. On est dans le cadre d'une manifestation. C'est une des autres formes de lutte de la classe moyenne. Je sais pas si tu avais fini sur les places, mais non, la manifestation, oui, aussi. Une forme de lutte privilégiée de la classe moyenne. Elle s'adresse à l'État pour demander davantage d'intervention. Le prolétariat peut manifester, mais... C'est vrai que c'est quelque chose qui est privilégié chez la classe moyenne. Ça traduit une croyance en l'État, un aveuglement volontaire. Ah, ça, c'est ce que dit Astarian sur les luttes interclassistes. Il dit que c'est pas parce qu'il y a des prolétaires qui peuvent participer à ces manifestations typiquement marquées de la classe moyenne qu'il y participe avec son identité de classe propre. C'est les prolétaires qui vont occuper des places, qui pouvaient circuler à Nuit Debout, ils le faisaient à titre individuel. Ils ne déployaient pas une activité de classe spécifiquement prolétaire dans ces endroits-là. Que faire de l'exemple des Gilets jaunes, alors, à cet égard-là ? Parce que c'était un mouvement qui est resté dans une phase assez violente au début, la première journée, mais au bout de la huitième journée, je crois, on n'a plus eu que des manifestations. Pendant quand même un an et demi, deux ans, quoi. C'est un mouvement interclassiste, en effet, les Gilets jaunes. Il y a une forte participation du prolétariat dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui a particulièrement fait flipper le gouvernement. Effectivement, en tout cas, ça s'inscrivait très clairement dans la quotidiennité de la lutte de classe pour le prolétariat et dans une demande de réforme de l'État pour qu'il soit plus démocratique et plus fonctionnel et plus souverain. Souverain par rapport aux instances multinationales comme l'Union européenne et ses enflures de banquiers. Donc quel est le destin des classes moyennes dans la crise ? Il y a un concept, une antienne qui revient souvent, c'est celle du déclassement, de la paupérisation des classes moyennes. On constate depuis plusieurs décennies que le sursalaire des classes moyennes en moyenne a tendance à baisser. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la classe moyenne a vocation à terme à rejoindre les rangs du prolétariat parce que son sursalaire serait rendu à zéro. Il y a des subtilités qu'Astarian évoque qui se trouvent notamment du côté des réserves accumulées par les générations précédentes. Les classes moyennes ne peuvent pas être complètement prolétarisées dans la mesure où les parents ont déjà profité des 30 glorieuses pour leur donner à leurs enfants les moyens de continuer à avoir un mode de vie distinct de celui du prolétariat. Et donc dans la crise, la classe moyenne va, sous l'effet de la baisse de son sursalaire, va quand même se polariser de plus en plus intensément entre ces différentes couches, hein, supérieures et inférieures, et donc il y aura des gagnants et des perdants. Il se trouve que la couche moyenne inférieure, en effet, aura davantage de sympathie vis-à-vis des luttes du prolétariat, tandis que la couche supérieure, évidemment, se rangera du côté du capital. Et la couche moyenne, sera réduite comme peau de chagrin. C'est ce qu'on appelle donc une polarisation. Revenons-en au prolétariat. On ne va pas abandonner tout de suite la classe moyenne non plus, car nous allons parler de l'économie formelle et de l'économie informelle. Oui, il y a d'autres subtilités qu'Astarian met au jour concernant les classes. Il fait ça notamment en parlant de printemps arabe. C'est que dans la théorie marxiste, on ne sait pas trop que faire d'une fraction qui s'appelle le lumpen. Et souvent, on s'attend à être un pot pourri de tout ce qu'on ne sait pas exactement classé, ce qui est marginal. Il y a vraiment des distinctions à faire au sein du prolétariat selon qui... Ils travaillent dans des secteurs de l'économie formelle, donc l'économie régulée par un code du travail, dont les employeurs payent des impôts, et le secteur informel qui opère dans des secteurs plus illégaux, qui n'ont pas la sanction de l'État. Ou du moins qui essaient de la contourner, quoi. Et les prolétaires de ces secteurs-là, évidemment, bossent au black. Ça crée une attitude assez différente dans les luttes, hein, dans la mesure où ces prolétaires n'ayant pas d'existence officielle, ils dépendent souvent de structures plus petites, de petits patrons, et souvent qui sont liés, dans les pays du tiers-monde en tout cas, à des exploitations familiales. Donc ça leur est plus difficile de se révolter contre le durcissement de leurs conditions de travail et de vie. Ça tient à des solidarités qui sont plus proches d'eux et plus difficiles à contester. Tandis que le prolétariat des secteurs formels a affaire à un patron vis-à-vis duquel il n'a pas de lien plus intime. Il faut savoir qu'il y a particulièrement une économie informelle développée dans les pays capitalistes et moins compétitifs, non pas parce que ce serait culturel, précisément parce que du fait que ces capitaux ne sont pas en capacité de rivaliser avec les énormes multinationales et leurs technologies de pointe, il y a une nécessité de passer par tout un tas de contournement de la partie formelle de l'économie. En gros, échapper à régulation, à une concurrence déloyale au final. Et c'est pour ça que dans les pays où l'économie informelle est la plus développée, on voit aussi qu'il y a énormément de corruption, même au sein de l'État et même au sein de la classe capitaliste. C'est une complète illusion de s'imaginer que notre État irait mieux parce qu'il y aurait moins de corruption. C'est précisément parce qu'il y a de la corruption qu'il n'y a pas une fuite des capitaux dans ces pays en question. C'est précisément parce qu'il y a ces trucs qui se font de manière beaucoup plus informelle que l'État peut continuer d'exister, que l'économie peut continuer de faire vivre et soumettre des pans entiers de prolétaires du monde entier. Sur cette question de la corruption, c'est intéressant parce que c'est un sujet qui revient tout le temps sur la table dans les luttes de ces pays-là. La classe moyenne et le prolétariat se soulèvent contre la corruption et demandent de mettre à bas les bandits qui la mettent en place. Mais la corruption est bel et bien nécessaire pour la classe capitaliste de ces pays-là dans la mesure où elle ne pourrait pas survivre à une concurrence libre. Étant le parent pauvre dans la concurrence mondiale, la plus-value sociale qu'elle touche est beaucoup moins élevée. Et quand le gâteau est plus petit, la seule solution pour que les capitalistes soient rassasiés, c'est de réduire le nombre de convives qui sont amenés à le déguster. Et la corruption sert à ça, elle met des barrières claires par clientélisme pour empêcher qu'une concurrence qui réduirait trop la part de plus-value que chaque capitaliste peut s'approprier. Donc tous ceux qui voudraient mettre fin à la corruption dans ces pays-là sont dans un utopisme effréné. Concrètement, des exemples que prend Astarian de ça, c'est quand il parle de ce qui se passe en Tunisie. Il prend l'exemple du stade du nord-est de la Tunisie qui jouxte la Libye. La région de contrebande. Les Tunisiens donc, du secteur informel vont récupérer des marchandises plus bon marché à la frontière libyenne et ils la ramènent à Tunisie ou en Tunisie où ils la vendent plus cher. Sur ce marché-là, les policiers prennent un bakchiche. Voilà, monsieur, c'est interdit ce que vous faites. Hein. C'est interdit ce que vous faites, monsieur, c'est illégal. Prends un bakchiche. C'est la taxe en fait, c'est simplement une forme de taxe. C'est même de l'extraction de plus-value sous une forme, en tout cas dans le monde de la contrebande, et c'est quelque chose qui permet même de financer la police, qui ne peut pas se financer par elle-même s'il n'y avait pas toute cette corruption. C'est un autofinancement de la police, ouais. Et donc voilà, donc dans ces circuits, il fait une distinction des différentes strates, ce que serait le prolétariat, la classe moyenne et le capitalisme dans ce secteur informel-là. Donc le prolétaire, ça va être celui qui est réduit un peu à rien, qui fait les boulots de base œuvre, qui va juste être conducteur ou qui va juste être le vendeur in fine, celui qui va juste avoir un rôle de vente pure de la marchandise. Le classe moyenne, c'est celui qui va acheter une bagnole ou un camion, qui va stocker les marchandises lors de ses allers-retours, donc il va emprunter auprès d'un créancier pour payer la bagnole ou le camion. Et ensuite, il va devoir bosser pour rembourser son prêt, mais in fine, il aura quand même un bien, quelque chose qui sera un investissement qu'il possédera. Et puis, au sommet, bon, le capitaliste lié à ça, c'est celui qui est-ce qu'on peut dire que celui qui serait un peu le chef d'entreprise de ça serait vraiment un capitaliste? Il faudrait qu'il détienne ses moyens de production. Dans ce cas-là, c'est plutôt des moyens de circulation, parce qu'ils vont acheter des marchandises, ils les revendent. Donc, c'est un peu plus délicat d'imaginer ce que serait un capitaliste dans cet exemple-là, en tout cas. C'est quelqu'un qui a les réseaux pour revendre ses marchandises de contrebande. Même s'il n'y a pas de moyens de production, si la marchandise est juste acheté à la frontière et revendu. Oui, on n'a pas dit que les capitalistes étaient forcément des propriétaires de moyens de production. Ça peut être simplement des propriétaires, ceux qui sont tout en haut de l'échelle et qui accumulent et qui gèrent la coordination d'ensemble. Tu peux me donner un exemple? Donc tu dirais par exemple le capitaliste... Le patron d'une banque, il est détenteur d'aucun moyen de production, c'est un patron. Et donc c'est un capitaliste? Oui, c'est un capitaliste. En fait, il accumule un capital, et ce capital, il le fait fructifier. Du coup, il fait une accumulation de capital. Alors que la classe moyenne, elle va pas faire fructifier un capital, elle va toucher un sursalaire qu'elle va consommer. Dans ce secteur-là, un capitaliste, c'est pas donc celui qui va forcément posséder des moyens de production, parce que parfois, il n'y a même pas de production, mais c'est quelqu'un qui va avoir les connaissances et les compétences nécessaires pour faire tourner tout le schlimblick. Et qui va avoir aussi à sa disposition tous les moyens de répression pour se maintenir à cette position hiérarchique. Je voulais finir la question des luttes du prolétariat informel, puisque j'ai vite fait évoquer le fait que les luttes du prolétariat informel se faisaient d'une manière qui pouvait penser à quelque chose qui n'était pas... de l'ordre de la revendication. En fait, c'est surtout le cas dans les luttes du prolétariat informel des pays occidentaux, aux États-Unis, en Angleterre, en France, comme on a eu, où parfois on peut se dire même que c'est finalement un progrès du prolétariat, puisque finalement il se sépare, il n'agit pas avec les gauchistes, il n'agit pas avec les syndicats, il pratique de l'action directe, il ne quémande pas, etc. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Généralement, ces luttes se lancent parce qu'il y a une bavure, souvent policière, un meurtre, quelque chose comme ça. Il y a un embrasement qui peut partir des confrontations avec la police, mais pas seulement. Et qui, là, justement, nous indique un peu tout ce qui ne va pas dans la vie du prolétaire du secteur informel. Notamment par le choix des cibles, les transports en commun, le pillage de supérettes, le pillage de PMU même, le pillage... de beaucoup de choses, des poubelles cramées, des voitures cramées, le saccage un peu même du quartier où vivent ces gens-là. Ça peut même être parfois l'attaque d'une entreprise dans laquelle un prolétaire a travaillé. Ça peut être l'école dans laquelle un prolétaire a fait l'expérience de son échec scolaire, donc de son déclassement en fait. Mais en réalité, ce que dit Astarian, c'est que même si ces révoltes restent muettes, dans le sens où elles n'ont pas de langage politique articulé. En réalité, il y en a un, précisément dans ce choix des cibles, et dans le fait qu'il n'y a pas d'affrontement, on n'est pas dans le cadre d'une insurrection, dans le sens où le prolétariat ne touche jamais aux moyens de production, sauf pour éventuellement les détruire certains secteurs, comme c'était le cas dans l'exemple de la Kanaky. Ce que dit Astarian, c'est qu'en réalité, on est toujours là, dans la quotidiennité de la lutte de classe. Par la destruction, on exprime ce qui ne va pas dans la reproduction de ce prolétariat. Et on voudrait en réalité plus d'aide. Donc en ce sens, c'est une manière plus extrême que la manifestation d'interpeller l'État. On est toujours dans un cadre revendicatif. Ce que voudrait un prolétaire de quartier immigré, c'est un meilleur cadre pour s'insérer, un meilleur travail, et un État qui serait moins raciste, qui ferait plus son job de défense des plus démunis. Du lien de comment la classe moyenne s'allie aux luttes du prolétariat ou du capital dans les luttes. On s'est pas trop attardé en tout cas sur le cœur de cette question-là, puisque la classe moyenne touche un sursalaire, qu'elle a constitué des réserves. En réalité, elle doit son existence au fait que le capital lui a concédé une part de la plus-value sociale, ce qui n'est pas le cas du prolétaire. Donc lorsque le prolétaire se retrouve dans une situation d'irreproductibilité, le prolétaire entre en lutte frontale avec le capital pour sa destruction, là où la classe moyenne n'a pas d'intérêt à détruire le capital, et elle a même intérêt à ce que le travail continue. Est-ce qu'il y a toujours, est-ce que les prolétaires travaillent toujours, parce que c'est ce travail-là qui va lui permettre de reproduire les conditions de son sursalaire. Elle peut s'allier au prolétariat lorsque, bah, effectivement, le capital, dans sa bonnardisation, dans ses crises, déclasse toute une partie de cette classe moyenne. Elle peut rentrer en lutte lorsqu'elle rejoint les rangs de la classe moyenne inférieure. Et elle peut s'allier au capital lorsque le prolétariat refuse son assujettissement au travail, que la cessation du travail devient tellement longue qu'elle remet en cause la situation de la classe capitaliste et de la classe moyenne. Par exemple, Astarian parle du printemps égyptien où la classe moyenne au début s'était alliée à un prolétariat qui était de plus en plus combatif. Lorsqu'il n'y avait pas de solution politique durable et que finalement le chaos était devenu trop insupportable après deux années de lutte de la classe moyenne dans le printemps égyptien, et que finalement l'objectif final c'était juste de faire dégager Morsi, de faire dégager en gros les frères musulmans, la classe moyenne s'est mise à soutenir l'armée qui a maté le prolétariat et fait reprendre ceux qui n'étaient pas morts le boulot. Et ce que dit Astarian, c'est que dans tout moment de crise extrême et dans un climat insurrectionnel, il y a toujours cette rupture qui se fait entre la classe moyenne et le prolétariat. Après, la question est de savoir, est-ce que c'est la classe moyenne qui fait cette rupture, là c'est par exemple le cas de l'Égypte, ou est-ce que c'est le prolétariat qui fait cette scission avec la classe moyenne et qui rentre en phase insurrectionnelle pour créer un nouveau rapport. Voilà. Oui, un des points principaux du projet d'Astarian, une des raisons pour lesquelles il écrit ce bouquin, c'est parce qu'il est un peu lassé, il trouve que c'est une forme de naïveté que de confondre la classe moyenne et le prolétariat. Il ne veut pas, il voit que dans les épisodes précédents, le prolétariat s'est souvent laissé illusionner par une classe moyenne qui a tout intérêt à lui dire « viens, on a les mêmes intérêts, on se rejoint et puis on combat ensemble » pour mieux le laisser dans la merde in fine. Donc voilà, l'exemple de l'Égypte à ce niveau-là est très éloquent. La classe moyenne se retire au bout d'un moment, quand les militaires reprennent le pouvoir et les prolétaires se font massacrer, des centaines de morts. Et la classe moyenne était, qui avait elle les revendications politiques, c'était quand même dégagé un peu de ça. Après, il nuance quand même sur le fait que les prolétaires sont pas, en tout cas dans cet exemple-là, sont pas toujours complètement dupes, parce qu'en Égypte, il y avait déjà une série de grèves qui étaient en cours et qui sont un peu servies du mouvement de la place Tahrir pour comme catalyseur pour s'en nourrir et pour revenir un peu prendre en force. Ce que dit Astarian, c'est qu'il y avait pas de prolétaires à la place Tahrir. Ça s'est fait en même temps, mais il y avait pas de prolétaires à la place Tahrir. Les prolétaires, ils étaient principalement dans les gros foyers industriels, comme c'était le cas des grèves de femmes dans l'industrie du textile, ou dans les ports, ça pouvait être dans les affrontements avec la police dans les quartiers où on avait une prédominance du prolétariat informel qui était en lutte. Mais que sur l'occupation de place, c'était principalement de la classe moyenne, et même quand on avait des idéologies qui se voulaient très populaires, comme par exemple le salafisme populaire qui soutenait les pauvres, en réalité on a vu très peu de pauvres sur cette place. C'était quand même la classe moyenne basse, le salafisme populaire. Donc c'est pour ça que ça a été un peu un mouvement un peu agressif quand même. le mouvement que Staillan décrit comme étant le plus intéressant, le plus offensif, en fait, sur ce plan-là. Donc un salafisme qui avait encore un peu les apparences de religion, mais qui en était utilisé plutôt comme habillement, mais qui n'était pas, qui n'avait pas tous les clivages religieux dans sa perception. Bon, aussi quand même, il voulait séparer les hommes des femmes dans tous les lieux publics. Tout cet objectif de pureté islamique, c'était principalement dirigé contre la corruption, en fait. C'est la raison de cette radicalisation, pour réclamer davantage de pureté. Oui, cette question du rapport aux femmes est un des points qui, pour Astarian, montre un des marqueurs de qualité, de réalité d'une insurrection ou non, en fait. Dans un rapport qui sort du carcan qui existait auparavant, l'émancipation qui en résulte, qui crée un rapport social complètement nouveau, donc interpersonnel comme on l'a évoqué plus tôt, abolit d'un coup beaucoup de préjugés, beaucoup de perceptions qui structurent les dominations masculines. De genre et les rôles de genre sont abolis. Dans plein d'insurrections, on a vu qu'effectivement les conflits interethniques, interreligieux, etc. étaient très souvent mis de côté et que les femmes se mettaient à se faire une place au grand drame des pestiférés. Peut-être vite fait un mot sur les capacités de visibilisation de la classe moyenne. Malheureusement, quand il y a des luttes du prolétariat, en fait, avoir accès à cette information, c'est assez difficile. Quand on parle de printemps arabe, bah, en fait, on ne voit que les luttes de la classe moyenne. Quand on parle de mai 68, on ne voit que les luttes étudiantes. C'est une classe qui a un sursalaire, donc c'est aussi une classe qui a les moyens de sa visibilisation, chose que n'a pas le prolétariat. Et c'est ce qui fait que c'est un peu, quand on est dans le cadre d'une lutte interclassiste, en tout cas dans une alliance classe moyenne-prolétariat, c'est toujours la classe moyenne qui rythme et qui définit le langage de la lutte. Donc, il ne faut pas se faire berner sur les contradictions qu'il y a en interne. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait qu'elle a les moyens de sa visibilisation, concrètement ? Elle est plus cultivée, elle sait parler, elle sait prendre la place des porte-paroles, il y a plein de profs. Relais, des relais médiatiques. Puis même quand tu vois les luttes, quand les profs participent, bon bah voilà, c'est des gens qui ont l'habitude de parler sans qu'il y ait de réponse en face d'eux. Donc c'est des gens qui sont capables de même un peu quelque part diriger un mouvement. Elle a des liens culturels, voire directs avec les médias. C'est secondaire par rapport, c'est vrai, ce que tu dis effectivement, des gens qui savent parler, etc., qui ont des relais, mais le fait que ces relais soient opérants au-delà d'une période très courte, qui est une période un peu de sidération après le mouvement, où ça peut être médiatisé, le fait que ça continue à être médiatisé, par exemple, si c'est ça que j'entends quand tu parles de visibilisation, c'est lié au fait que c'est des luttes assez inoffensives, finalement. Quand les Gilets jaunes ont pu avoir accès aux médias, soit c'était au tout début, mais en fait c'est pas les Gilets jaunes qui sont venus sur les plateaux, c'était plutôt des journalistes qui avaient un peu pitié des pauvres Gilets jaunes et qui voyaient ce truc comme un truc soudain et qui allait très vite mourir. Ensuite ça c'est, on a vu que ça se calmait pas, que ça se radicalisait, du coup il y a eu une diabolisation à outrance. Et quand les Gilets jaunes ont pu retrouver des accès aux plateaux télé, c'était toujours pour défendre les revendications de la classe moyenne autour du RIC et toutes ces choses-là. Je dis revendication de la classe moyenne parce que c'est un truc qui est venu, qui n'était pas là au début. Cette revendication du RIC et de la démocratie, c'est quelque chose qui est venu au cours de la lutte parce que justement, c'était la gauche qui a débarqué dans les luttes et qui a fait que ce discours était devenu le discours considéré comme respectable aux yeux de l'opinion publique. Là où supprimer la taxe carbone, plus de salaire, etc., moins de discrimination géographique, n'a pratiquement eu très très peu d'écho médiatique. On a évoqué la façon dont la classe moyenne allait se polariser dans la lutte. On a peu évoqué les formes sur lesquelles ça allait se placer. La classe moyenne supérieure va s'allier à la frange capitaliste. La classe moyenne inférieure se rapproche du prolétariat tout en restant un peu distincte. Ce sera quoi en gros cette classe moyenne inférieure? Ce sera les managers, les quelques managers qui resteront, le reste des fonctionnaires au-dessus du niveau de base qui resteront. Enfin, même les fonctionnaires qui resteront, ceux qui ne seront pas contractuels, donc ceux qui auront une sécurité et donc des avantages, pas forcément un salaire beaucoup plus élevé, mais une sécurité de l'emploi, des habitations à loyer un peu plus faible. Sur cette sécurité de l'emploi, ce qu'Astarian dit, c'est qu'avec la crise à venir, il va y avoir une homogénéisation du marché du travail qui va faire disparaître petit à petit l'opposition entre emploi permanent et emploi précaire. La disparition des contrats à durée indéterminée, en fait. On aura, ça, on revient un tout petit peu sur le rapport au prolétariat, mais on aura des, on aura que des contrats à durée déterminée et puis des vies qui oscilleront entre des chômages longue durée et puis des contrats à durée déterminée, parce qu'effectivement la flexibilité des entreprises, chômage pas forcément longue durée, des périodes de chômage entrecoupées d'activités réduites très fréquentes, c'est ce vers quoi on tend. Et à ce niveau-là, les contrats zéro heure. C'est-à-dire ? C'est une chose qui existe déjà au Royaume-Uni, c'est que légalement, les employeurs ont droit de faire signer des contrats zéro heure, c'est-à-dire, bon, tu es salarié de l'entreprise, mais on n'est pas obligé de te fournir un travail, on t'en fournit quand on veut. Et donc on peut te mobiliser pour quelques heures. C'est une fragmentation vraiment de la durée de travail. Pour commencer à parler de prospective, on peut partir des derniers articles qu'Astarian faisait déjà sur l'analyse de la crise qui est en cours depuis le Covid. Dans cette analyse de la crise Covid, Astarian montre que les luttes potentielles qui définiront une restructuration possible du capital entre une fraction des capitalistes qui serait plutôt favorable à la relance des investissements de productivité et la fraction qui serait plutôt en faveur de la conservation de la situation actuelle, marquée par des rentes de monopole, ces luttes n'ont pas encore eu lieu. On semble toujours être dans une phase de pourrissement de la formule actuelle, avec des formes exacerbées, comme le quantitative easing qui est renouvelé, et même l'inflation. Pour une petite précision, les derniers articles dont on parle, le titre de cette série d'articles, c'est « Un accouchement difficile », une critique de l'actualité. Tous les ans. Les deux premiers se sont faits dans un espace assez réduit, mais l'idée c'était plutôt de repartir sur les conclusions des deux derniers chapitres du ménage à trois de la lutte des classes, qui sont un peu les grandes conclusions que fait Astarian, et c'est là où il fait ses prévisions de la crise du capital, donc le credit crunch, et du coup d'un nouvel assaut révolutionnaire possible qui viendrait du prolétariat. L'accouchement difficile, c'est observer comment se met en place les conditions de cette crise, sachant que s'il a choisi le terme accouchement difficile, c'est surtout parce qu'on a vu qu'il y avait un gros crack au moment du Covid, mais que finalement ce crack, contrairement à aux prévisions d'Astarian, a été un peu comme à l'image de celui de 2008, c'est-à-dire qu'il n'a pas poussé le capitalisme à une restructuration complète, il n'a pas fait sauter toutes ces bulles spéculatives, et au contraire, la seule tentative de restructuration qu'il a faite, c'est simplement l'exacerbation déjà de ces bulles spéculatives, avec un quantitative easing qui est devenu illimité, une inflation qui est devenue galopante, et une incapacité à relancer la productivité du capital. Concernant l'inflation des bulles, ça s'est traduit par l'inflation des titres boursiers. La bourse, ces dernières années, a explosé à des montants jamais vus, nourri par ce quantitative easing illimité qui donne aux banques commerciales, aux fonds d'investissement, des moyens illimités d'investir dans la quête d'une plus-value financière fictive supplémentaire. Pour qu'il y ait une relance effective de l'accumulation de capital, il faudrait qu'il y ait d'abord une dévalorisation massive de tout ce capital fictif qui aurait pu avoir lieu en fait au moment du Covid, parce que les bourses ont eu un mini crack, mais sauf que plutôt que laisser tomber les indices et laisser crever les entreprises zombies, on les a portées à bout de bras, on a fabriqué de l'argent illimité. Et à noter que il y avait aussi un début de crack sur un crack obligataire. Il y a eu un épisode en mars 2020 où les bons du trésor américain étaient en phase de devenir illiquides. Il y avait une phase où il y avait une vente massive de l'actif qui passe pour l'actif refuge en cas de crise, et le marché du bon du trésor américain qui passait pour être le plus profond du monde, celui vers lequel tout le monde pouvait se réfugier pour avoir du cash rapidement, a été saturé, et ce marché n'a connu de retour à la normale qu'à partir du moment où la Fed a décrété que les rachats de bons du trésor étaient illimités. Mais dans les années qui suivent, ça, Astarian l'a pu l'analyser puisque la série d'articles n'a pas continué. Mais on a eu quand même un début de crack obligataire ou une menace de crack obligataire. Attends, sur la question des rachats du bon du trésor américain, quand on dit que les rachats sont devenus illimités, c'est ce qu'on appelle les primary dealers. Bon, vite fait, c'est des banques qui sont, enfin des instances financières qui sont agrégées par les instances, enfin par la Fed, très clairement pour le cas des États-Unis, mais il y a ça aussi en Europe avec la BCE, etc. Et donc c'est des gens, enfin ces instances qui sont en lien avec les politiques étatiques comme la Fed, qui gèrent avec eux en fait la direction de l'économie. Le rachat des bons du Trésor américain est devenu illimité en tout cas, c'est-à-dire que qui permet un endettement de l'État qui est illimité pour faire face en fait aux faillites qui auraient dû avoir lieu dû à la pénurie de plus-value. Tout un tas d'entreprises auraient dû tomber, mais ce marché du bon du trésor américain étant complètement sauvé par la Fed, les États se sont sentis en mesure de déverser tout un tas d'aides, de subventions pour éviter à l'économie réelle de sombrer. Donc voilà, on a eu chaud. Castarian appelle un congélateur de crise. Tout ça n'étant possible que grâce au dollar et à la capacité qu'ont les États-Unis de jouer dessus, de le faire reposer sur aucune valeur réelle. Mais justement, cette question du dollar, dans la zone euro aussi. Dans la question du dollar, c'est que là où c'est très important, c'est ce truc des bons du trésor américain, donc les treasuries. L'impérialisme américain arrive à fonctionner uniquement parce que il y a ces bons du trésor qui lui permettent en fait de gérer tous ces déficits dans les budgets. C'est ce qui lui permet d'avoir une stabilité. Cette crise des bons du trésor américain, si elle avait été jusqu'au bout, aurait remis en cause complètement la capacité de l'État américain à se reproduire et sa monnaie avec. Après, la question qui se pose, il y a des gens, avec la succession des programmes de quantitative easing, se sont dit que on avait complètement décorrélé l'argent du processus d'accumulation réelle du capital industriel. C'est pas vraiment le cas dans la mesure où on constate que ces programmes fonctionnent de moins en moins au fur et à mesure qu'ils sont implémentés. De la même manière qu'il y a une accoutumance chez les utilisateurs de drogue. Il faut une dose toujours supérieure pour avoir le même effet. Ces programmes, qui ont pour but de soutenir artificiellement la demande d'obligations d'État, parviennent de moins en moins à faire en sorte que la demande de ces bons du Trésor reste égale et que le prix des obligations d'État reste stable. C'est pour ça qu'à partir de 2023, il y a eu une remontée des taux de rendement des obligations. Donc les taux sont inverses au prix, c'est-à-dire que le prix des obligations diminuait et qu'il y avait une menace de dévalorisation sur ces actifs-là. Dans le dernier de ces articles, Astarian se penchait plus précisément sur la problématique de l'inflation qui a surgi à partir de la seconde moitié de 2021. Tout l'enjeu étant de définir si ce phénomène économique permettait d'envisager une rupture avec la formule de la plus-value actuelle ou au contraire ne faisait qu'en exacerber les contradictions. Et il semble qu'en fait ce soit plutôt la seconde option. Astarian fait la genèse de l'inflation qu'on a connue ces dernières années, qu'on continue encore de connaître. C'est qu'il faut revenir pour comprendre ça sur la notion des branches ouvertes et branches fermées qu'on a déjà évoquées dans cette émission. En fait, l'inflation est créée principalement parce que dans une situation de pénurie de plus-value, les branches fermées, celles qui ont un pouvoir de formation des prix, principalement donc des entreprises pétrolières, qui sont dans ce cas-là parce que leurs marchandises, le pétrole, est consommé par absolument toutes les branches, donc elles ont un argument de poids. Donc ces branches fermées décident unilatéralement de faire augmenter les prix pour attirer à elles, dans leur branche, une part de plus-value sociale qui dépasse proportionnellement leur poids en capital. Et après, ces hausses de prix décrétées par ces secteurs sont ensuite répercutées par les autres branches, dans la mesure où elles les subissent toutes et que leur coût de production augmente et qu'il faut bien qu'elles maintiennent un niveau de rentabilité qui soit viable. Donc avec cette analyse de l'inflation, ce que dit Astarian, on voit bien que l'inflation n'a pas contribué à faire péter ces déformations dans la péréquation du taux de profit qui fait qu'il y a des branches fermées qui sont en situation de monopole et qui sont en situation de capter davantage de plus-value, mais au contraire, elle a renforcé cette situation. Pour finir, après avoir évoqué toutes ces belles perspectives, ces apports décisifs qu'Astarian apporte dans la théorie communiste. On pouvait aussi parler d'un ouvrage qui date un peu plus, mais qui était centré spécifiquement sur les luttes de classe en Chine à partir des années 80, donc au moment où le secteur public chinois a connu des démantèlements massifs et des privatisations, pour donner donc la Chine pleinement capitaliste que l'on connaît actuellement. Un des points intéressants qu'Astarian soulevait dans cet ouvrage, c'était la question de savoir dans quelle mesure la, la Chine serait capable de devenir un des centres d'accumulation de plus-value, de rivaliser avec l'hégémonie américaine sur le monde. Alors Astarian répond clairement par la négative. La Chine ne sera pas en mesure de devenir un centre d'accumulation à l'instar des États-Unis, de l'Union européenne ou du Japon, parce que on est dans un contexte de saturation du marché, dans la domination réelle du capital. Il était possible, en fait, avant cela, de constituer un centre d'accumulation autonome dans la mesure où les marchés restaient encore ouverts. Il y avait des nouvelles places à se faire, des parts de marché à se tailler. Et maintenant, pour s'imposer au sommet de la pyramide de l'accumulation mondiale, il faudrait être en mesure de chasser les autres, en fait. Ça, ce n'est pas possible dans la mesure où toute la modernisation chinoise est en fait commandée par les marchés occidentaux. La Chine produit toujours des biens de consommation. La fonction de la Chine moderne, c'est de produire des biens de consommation à bas coût pour les prolétaires des grands centres d'accumulation. Son économie reste complètement subordonnée par des donneurs d'ordre qui restent étrangers. Soit de façon directe, dans la mesure où les usines qui sont en Chine appartiennent directement à des firmes étrangères, ou soit dans la mesure où ce sont des firmes nationales mais qui sont sous-traitantes de capitaux étrangers. Cette réalité n'est en fait pas prête de changer, parce que cette hiérarchie entre capitaux commanditaires et capitaux exécutants est fixe. Donc il ne s'agit pas simplement de dire que la Chine, là où elle est, parce que c'est Nixon et Kissinger qui ont appuyé sur le bouton pour faire grandir le PIB chinois, c'est pas qu'une... une inféodation qui resterait d'ordre politique, c'est lié vraiment à la structure du marché mondial et à sa saturation, qui font qu'il n'y a pas de nouvel acteur possible, malgré un certain rattrapage technologique qui est effectif, en effet. Oui, puisque désormais, il y a quand même la Chine... une montée en gamme légère. C'est ça. La Chine, à la fois, par nécessité économique, puisque au fur et à mesure de sa progression à une main-d'œuvre qui est... toujours plus coûteuse. C'est Mylène Goulard qui disait que je crois qu'elle parle de ça en 2000, il y a 9 ans, donc en 2015, au moment de son étude Karl Marx à Pékin, disait que le coût relatif d'un ouvrier chinois par rapport à un ouvrier américain était de 70%, ce qui est un écart pas si énorme. Du coup, la Chine est obligée de sortir justement de son rôle d'usine du monde, de fabrication de produits à bas coût, et de s'insérer de plus en plus sur les industries à haute valeur ajoutée, comme la téléphonie, l'automobile, ou maintenant l'intelligence artificielle. Je peux faire un point DeepSeek, si vous voulez. La high-tech chinoise concernant l'intelligence artificielle, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que... C'est de la mid-tech, tout au plus. ChatGPT s'est fabriqué parce que c'était une IA générative, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une IA puisse fonctionner, il faut une accumulation primitive de données, donc une extorsion massive de données personnelles, d'actualité, etc., pour qu'ensuite une intelligence artificielle puisse faire du machine learning, c'est-à-dire en gros interpréter les données, puis se reconfigurer elle-même, se tester elle-même. Et voilà, mais du coup elle est très dépendante en fait de cette accumulation primitive des données, elle est très dépendante du fait de son époque et du contexte où elle est apparue, c'est-à-dire en fait une immensité occidentale où toutes les données personnelles des occidentaux ont été mises à disposition gratuitement sur Internet. Et là où la Chine, c'est plus compliqué, son Internet est beaucoup plus restreint, et ce qui s'est passé avec DeepSeek, en fait elle a pu le faire avec des investissements très bas. Puisqu'en fait, la logique de DeepSeek, c'est de faire une IA qui ne se forme que sur elle-même, qui se teste elle-même, qui fait ses propres erreurs elle-même, et qui, en fait, va essayer de s'améliorer uniquement dans est-ce que les réponses que j'ai données aux gens qui m'utilisent plaisent ou non. C'est la même chose avec ChatGPT, mais c'est clairement ChatGPT qui a été le plus loin dans ce truc-là, et la Chine, en fait, a eu presque beaucoup plus de chattes. C'est une façon, en fait, au lieu d'avoir une donnée qui est au départ là comme un immense réservoir, de créer elle-même des données, en fait. On crée une réponse, qu'elle plaise ou que si elle plaît pas ou qu'elle plaise, c'est une nouvelle donnée, en fait. Cette même réponse-là qui va être réinterprétée ensuite, en fait. Ouais, et donc la DeepSeek a pu faire concurrence à ChatGPT, ça fait un petit crack, ça fait dégringoler l'action de OpenAI. Mais en tout cas, c'est pas du tout un témoignage de vrai développement du domaine de l'intelligence artificielle en Chine. Même si, évidemment, c'est un domaine qui est très développé, mais il est très loin derrière la Silicon Valley, très clairement. D'ailleurs, même à ce niveau-là, les États-Unis ont des modèles d'intelligence artificielle puissants, ils doivent en avoir 5 ou 6. ChatGPT, Claude, Grok, et j'en passe. Alors que la Chine, a priori, en a qu'un ou deux qui sont très facilement utilisables. Peut-être vite fait un mot sur le fait que la Chine, sur les luttes anti-travail qu'il y a en Chine, qui explique également pourquoi la Chine est rentrée en crise, puisque l'origine du modèle chinois, en fait, c'est solution chinoise. Solution chinoise. Donc tout ce mouvement de délocalisation dans des aires où la main-d'œuvre est très très bon marché, avec un chômage de masse, une surpopulation qui fait qu'il y a une pression sur le marché du travail qui est telle que les salaires peuvent être très très bas. Ce truc a été remis en cause puisqu'on a simplement délocalisé les usines Fordisées occidentales qui avaient déclenché tous ces mouvements anti-travail des années 60-70. Puisqu'on les a délocalisés en Chine, et évidemment, les mouvements anti-travail sont arrivés en Chine. Ça n'a pas pris la même forme qu'en Europe, puisque y a toujours la pression du chômage en Chine qui est bien plus forte qu'en Europe, où globalement l'emploi était quand même beaucoup plus sécurisé. D'autant qu'il n'y a pas d'état-providence. Et ça, Astarian en parle un petit peu, c'est une montée des mouvements anti-travail. Il parle également de mouvements anti-travail dans les usines du Bangladesh. Et c'est ce qui a fait que la Chine a dû concéder des hausses de salaire qui a remis en cause cette solution chinoise. Et que maintenant, les délocalisations ne s'envisagent que de moins en moins en Chine. De moins en moins en Chine, mais ça relativisait dans la mesure où la Chine est tellement grande qu'elle peut se remplacer elle-même. Ce qu'on dit, c'est que souvent, il y a des délocalisations internes dans d'autres régions plus paupérisées de Chine, les provinces d'intérieur. Les régions où les hausses de salaire sont les plus importantes sont les régions plus proches de la côte. Mais la Chine a toujours un potentiel de se remplacer elle-même en utilisant son énorme vivier de main-d'œuvre des provinces intérieures. L'immigration en Chine, qui sont utilisées pour baisser les coûts. Après, les travailleurs qui vont bosser à Pékin, c'est des migrants de l'intérieur. Il y a aussi 1,4 milliard d'Indiens là, qui attendent les délocalisations avec ferveur. 1,3, soyons précis. Délocalisation, 1,4. Conclusion. Astarian, c'est bien beau, hein, il nous apporte plein de choses, mais il nous dit aussi quand même que toutes ces théories restent inutiles. L'intervention est inutile. Il dit que ça sert un peu à rien, mais que il y a quand même des minorités communistes qui existent, parce que en fait, il y a toujours des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de poser des questions. Il reste quand même sur la ligne de c'est bien de rappeler, de remettre les pendules à l'heure, à savoir que en fait, toutes les oppressions se structurent sur l'exploitation du travail, que la seule possibilité de dépasser le capitalisme, c'est l'insurrection prolétarienne. La communisation. C'est dans les entrailles même de l'insurrection qu'un nouveau rapport social et les conditions d'un nouveau rapport social sont déjà là. Et c'est pas du tout le développement des moyens de production. Et que il faut critiquer les impostures réformistes, gauchistes, sans grande conviction, quoi. Des positions qui sont résumées dans un texte intitulé « Solitude de la théorie communiste ». Il s'agit de comprendre que concrètement ce qu'on fait ne sert à rien et n'a aucune influence sur les luttes du prolétariat. L'activité de crise du prolétariat se déclenche sans qu'il y ait une appropriation par les masses des thèmes, des concepts et de la compréhension du monde apportée par la théorie communiste. D'ailleurs, ça fait lien avec le fait qu'il insiste sur le fait que dans l'insurrection, là, le rapport interpersonnel change d'un coup de manière extrêmement rapide. Les mots de communiste ne seront peut-être jamais prononcés. Là-dessus, il fait une distinction entre la conscience abstraite et la conscience concrète. Conscience abstraite, c'est la conscience d'ensemble, en fait, du mouvement historique, de ce dont on parle là. La conscience concrète, c'est comment on branche les micros, comment on fait rouler un véhicule, c'est ces choses-là. Et dans le processus insurrectionnel, il y a une conscience concrète qui s'élargit, qui n'est jamais vraiment abstraite, puisque en fait la conscience révolutionnaire dans ce cadre-là, c'est en fait des choix tactiques, des choix stratégiques, de l'expérimentation. C'est ça qui fera l'offensivité du combat prolétarien. C'est pas du tout par la diffusion de tracts ou la formation de théories ou la propagande. Sur ce, nous allons brûler un commissariat. Bonne méditation à tous.